êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Antoine Rioux du club plein air UQTR sera avec nous pour sa chronique Truc et Astuces. Michel Lebrun analysera l'actualité juridique dans Panier Salade et le segment sur les goûts bien spécifiques d'Anne-Julie Durocher de l'Index. Assemblage requis tout de suite. Je trouve que ça paraît quand j'embarque mon micro alors que je suis en train de dire la première syllabe d'une phrase, mettons, ça. Oh, moi, je n'y ai vu que du feu. Non, c'est bien. Mettons que je suis en train de... J'en reviens, tu sais. Oh! Ça fait bizarre, hein? Ouais, un petit peu. Un peu bizarre. Ouais. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 26 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Chambaudeau. Et on est en direct des studios de Six fois à Trois-Rivières. On dirait que j'ai arrêté de dire il y a un bout. Je me suis rendu compte. C'est vrai, hein? En fait, depuis, dans mes 5 semaines de remplacement, je pense que tu l'as jamais dit. Comme si les choses avaient tellement changé. Oui. Ça, ouais, ouais. Maintenant, je suis enraciné ici. Tu as, oui, pris racine, mais Colin, ça te fait bien. T'sais. Merci. T'as des belles racines. Oui. Ta repousse, elle paraît pas bien bien. Non, j'ai rien de refaire. Pour tes beaux cheveux, comment on dit ça? Blond sablé, blond... Parfait. Parfait. Parfait aux fraises. Oui. Parce qu'en anglais, strawberry blonde, tu sais, il y a une genre de couleur de cheveux qui s'appelle strawberry blonde, blonde fraise, inette. Ah, ben ça doit être à l'image des slushs de chez Couche-Tard. Ah, peut-être. Ah, mélanger les saveurs. On se demandait hier si on pouvait mélanger les saveurs de thé ensemble. Faire un thé à la slush. Ah, ben peut-être. Et une question de la vie. Faut se mélanger les poches. Ah, mélanger les poches, t'es drôle. Ça me rend ça le tout épicé. Ben, du thé, ça fait pisser aussi. Oh! Bon! OK, là, on arrête. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Charles-Antoine Rioux et sa chronique du club plein air UQTR. Parce que c'est AIR, hein? La chronique Trucs et Astuces. On apprend toujours plein de choses dans cette chronique-là. Ça, c'est à 7h30. Ensuite, à 8h, Michel Lebrun qui va nous parler de juridique, justice et tout ce qui commence par J dans panier à salade. Mm-hmm. Et à 8h30, le segment d'Anne-Julie Durocher, l'index, elle nous présente ses goûts de la semaine. Voilà. Puis si on a le temps, peut-être? Si on a le temps. I-50? I-50. C'est-tu un scoop? Ouais, quoi? Meilleur moment, tu vas pas de malaise? Peut-être. C'est écœurant. Mais c'est marqué. Ça devrait. Ben, c'est ça. On l'a pas fait hier. Et d'habitude, cette chronique-là est supposée, en théorie, mais c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Une fois, c'est arrivé. C'est supposé être le lundi matin. Ouais. Ouais, mais à chaque fois, les chroniques sont très longues. Et je sais pas pourquoi je la soudote le lundi. Ça rentre jamais. Donc, le mardi, Anne-Julie Durocher qui fait une chronique de 5 minutes 30, genre, ça va rentrer dedans. Parfait. Pas dans Anne-Julie. Si Anne-Julie Star, ça rentre dans la police. Ouais, puis là, ça va être l'index. C'est ça. Aïe, aïe. Donc, un instant classique édition palmarès, si tu l'as bien dit. Sinon, à 8h, un petit peu dans ces coins-là, UQTR en spectacle, il nous reste encore 3 chroniques à faire avec Karina Tardy. Pas que c'est une sentence à vie et qu'on compte les jours jusqu'à la fin, mais c'est un peu ça. Mm-hmm. On va recevoir un autre des participants d'UQTR en spectacle, Francis Galarneau. Oh, Francis Galarneau. Auteur, compositeur, interprète, sûrement qu'il l'a jamais entendu ça. Non, ça doit être la première fois. Sûrement. En plus, il est chansonnier. En plus. À ce jour. Demande spéciale. Fais-nous-la. Et sinon, ben, en tout début d'émission, ben, il y aura la chronique Television. Donc, les dernières nouvelles, entre autres, La Voix. Mais pour en rire. Ben oui. Certainement pas. On va certainement pas vous faire un bulletin de nouvelles sur qui a gagné et perdu à La Voix. Même si on est triste d'avoir entendu parler que notre ex-collègue, Andréane Martin, pas été choisi du tout. Non. Triste. On va revenir vendre la pub à chez vous. Voilà. On débute avec Grizzly Bear et leur album Shields. On s'écoute l'extrait A Simple Answer. Bon début d'émission, Jean-Philippe. Bah toi aussi, Mathieu. Hier, il y avait un JP Charbonneau sur Twitter. Il arrêtait pas de parler d'un JP Charbonneau, mais c'est Jean-Pierre Charbonneau du club des ex-RDI. Ah oui. Pas toi, ça? Non. T'es pas... Ben, il est dans mon comté. Oh! Le nombre de téléphone que j'ai eu. Across the wasteland. C'était la formation Grizzly Bear et la pièce A Simple Answer. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça me semble que c'est une réponse facile. J'ai dit simple comme réponse. Non. Oh. On voulait faire le même gag, je pense. Ah, OK. Oh, attends, vous crochez. Oui. Oui. Était donc la réponse simple. Et voilà. Maintenant, voici les nouvelles de la petite boîte avec des pitons dessus. Oh. Television, television. Est-ce que ton eau fait du bien à ton œsophage? C'est délicieux. Délicieux, c'est frais. OK. Donc, Television, Television, vous l'aurez compris, c'est la chronique où on parle de télé. Et, j'espère que Jean-Philippe soit t'apprendre quelque chose ou soit quand même développer. Ben oui. Tu sais? Ah oui. Il fait des mouvements de main, mais il tend son micro en même temps. Ben oui. En tout cas, c'est le micro 1, puis moi, j'ai 0. Parce qu'il m'a fait plus mal que j'ai fait mal. Parfait. C'est comme à Street Fighter, cette affaire-là. Ouais. Donc, on commence avec une nouvelle qui va toucher là, tout le monde, là, parce que c'est donc intéressant. Tu sais, la voix. Tu connais ça? Mais ici, si on parle... Si on parle de la voix, c'est rarement bien à Assemblage Requis. Rarement. Rarement. Rarement. Et TVA perd sa bataille contre la semaine. Oh. Selon un article de Christiane Desjardins sur la presse.ca, estimant que la semaine profite indûment du succès de l'émission La Voix, Groupe TVA et ses filiales ont tenté d'obtenir une injonction afin d'empêcher la vente du dernier numéro du magazine axé sur les concurrents de La Voix. La cour a refusé et le magazine, propriété de Claude Gicharon, reste en kiosque. Vous l'avez sûrement vu, là, je pense celui avec les jumelles dessus. Hello, hello, hello. Donc, spécial, là je cite ici, spécial 20 pages La Voix, tout sur les 56 finalistes, titre le numéro du 22 février de la semaine. Groupe TVA Production La Voix et TVA Publication, qui détient le magazine 16 jours, concurrent direct de la semaine, n'a pas apprécié et s'est retrouvé devant un juge dans l'espoir de stopper la vente du magazine. L'affaire a été entendue en urgence sur l'heure du souper samedi dernier. Imagine, ils voulaient vraiment arrêter de le distribuer et l'enlever des magasins. Ouais, ah, clairement. Allez, non, mais sérieusement! Le propriétaire de la semaine là, est clairement sorti dehors. Il a levé ses deux majeurs de... Non! Les bureaux. Mange! Puis en fait, ah ouais. Allez, aval! Une vraiment bonne journée. Bonne semaine. Bonne semaine. Non, mais j'en viens pas. Tu me fucking niaises, sérieusement. Mm. Donc, une publication n'aurait pas le droit de parler des choses qui se passent sur une autre chaîne. C'est comme si Radio-Canada avait aucunement façon de parler de, mettons, je sais pas, Occupation Double ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a une nouvelle qui a rapport avec ça. J'avoue que c'est sûr que la semaine veut profiter du renom de La Voix parce que les gens vont l'acheter comme ça, mais il me semble que c'est ton droit de parler des sujets que tu veux, hein? Ben, il me semble que oui. En tout cas, s'il n'y avait pas passé, il y avait juste à faire comme une clause avant. Ben, c'est ça. Donc, au terme de l'audience, vers 19h20, le juge Brian Riordan a refusé d'accorder l'injonction provisoire. Et là, on parle évidemment du succès retentissant de La Voix dans l'article. Je vous laisse le lire sur assemblagerequis.com. TVA signale que la semaine livre une concurrence de tous les instants au 16 jours. Les deux magazines se retrouvent souvent côte à côte dans les kiosques. Ben, évidemment, c'est le même magazine. Ouais, c'est ça. Avec deux noms différents. Je pense qu'on s'entend là-dessus. TVA reprochait à la semaine d'avoir reproduit, et je cite, impunément, de façon proéminente et sans autorisation, les marques de commerce, photographie et autres éléments exclusifs appartenant à TVA. Je peux comprendre l'idée de copyright, là? Ça fait une couple de fois hein, que TVA ils font ça avec leur copyright. Je me souviens plus exactement de l'autre histoire, mais c'est encore quelqu'un qui utilisait les photos et tout pour faire de la promotion. Ouais. Puis ils ont donné une injonction, puis finalement ils ont fait « Oh non, excusez, l'opinion populaire! » Ben, je sais pas, c'est déchirant un peu parce que j'avoue que les photos appartiennent à TVA. Peut-être même que le nom leur appartient, mais vu que c'est un magazine, c'est donc journalistique, il n'y a pas des provisions justement qui font que tu as le droit d'utiliser les propriétés des autres, c'est pour raison journalistique, je pense que oui. Ben là, Mathieu, ça fait 5 fois que tu nommes l'émission La Voix sans autorisation. Je vais dire... Le téléphone sonne. L'émission de compétition vocale sur les chaînes de réseau de grande écoute. Mm-hmm. Hein? Bon, ça va, ça? Ça, c'est bon. Ça. Next! On parle maintenant de télé canadienne. On y va graduellement. Québec, Canada. Shirley Douglas veut que la CBC en fasse plus pour les vedettes canadiennes, selon la presse canadienne. Donc, une légendaire actrice de la scène et du grand écran, Shirley Douglas, a la CBC dans sa ligne de mire. L'artiste, maintenant âgée de 78 ans, soutient que le diffuseur public ne fait pas suffisamment d'efforts pour promouvoir le vedettariat local. Madame Douglas a déploré l'état de l'industrie canadienne du divertissement avant d'accepter un prix récompensant l'ensemble de sa carrière de la part de la branche torontoise de l'Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télé et de la radio. Elle a été escortée à la cérémonie par son fameux fils Kiefer Sutherland, qui a également affirmé qu'il faut consacrer plus d'énergie à la création d'un cercle d'étoiles semblable à celui qui existe à Hollywood. Je pense que c'est clair. Au Canada anglais, on ne met pas tellement d'efforts. On fait le contenu canadien qu'on nous demande par le CRTC, le quota, le célèbre quota canadien. On fait des émissions souvent de qualité, mais des fois de moins bonne qualité. Après ça, on les rediffuse pendant des décennies. Ah oui! Mais c'est ça, ça fait des vedettes de petit calibre. Rick Mercer, l'une des vedettes du réseau CBC, a présenté le prix à Mme Douglas qui a consacré des activités militantes aux droits civiques et aux soins de santé publique. Mais avant de monter sur scène, Mme Douglas a affirmé que quelque chose devait changer au sein de l'industrie de la télévision au Canada, à commencer par la CBC. C'est tout à fait vrai. La CBC était une télévision où on présentait des pièces de théâtre canadiennes, des émissions de contenu canadien à grande majorité. Et de nos jours, il n'en reste pas même. Il ne reste pas grand-chose de ça. Puis ça pogne pas tant que ça quand il y en a. T'sais? Vraiment pas. Je cite, « Je ne peux tout simplement croire que cette compagnie n'a pas réalisé l'importance de la reconnaissance des noms. Il y a longtemps, on m'a dit qu'elle ne le réalisait pas parce qu'ils, donc les dirigeants, avaient peur que nous devenions bien connus et que nous demandions plus d'argent. » Tu vois, elle accuse la CBC que ce soit à cause, justement, ils essaient de pas faire des trop grosses vedettes, sinon ils vont s'enfler la tête et vont demander plus d'argent. Waouh, ça c'est une vraiment belle façon de penser. Ben, c'est ça. Ben, je pense qu'elle a tout à fait raison. Madame Douglas soutient qu'une industrie s'est dégradée au cours des 35 dernières années, notant que la CBC produisait, attention, 16 séries lorsqu'elle est revenue au Canada après avoir vécu à Los Angeles. Elle a noté que des lacunes au chapitre du financement ont accentué les difficultés du diffuseur à produire plus de séries locales. Elle dit, je cite, « Je suis terriblement, terriblement triste et en colère. Je suis fatigué de voir qu'on ne peut faire mieux. » J'approuve. Il est temps qu'on mette un petit effort. Passons aux États-Unis maintenant. ABC prépare une série dérivée pour Le Chapelier Fou, basée sur la série Once Upon a Time. Donc, ABC pense à un spin-off pour leur populaire série. La nouvelle série se concentrerait sur le personnage de The Mad Hatter, qu'on connaît, le Chapelier Fou là, des films. Il était joué par, c'était qui, Johnny Depp, je pense, au cinéma? Mad Hatter, il me semble, c'est habillé en vert avec un chapeau, là, me rappelle. Ben, en tout cas, il me semble que c'est. Bon, j'ai un blanc. Mais le problème, c'est que Sebastian Stan, qui joue le personnage depuis 2012 à la télé, ne pourra pas reprendre son rôle pour la nouvelle série. ABC espérait que l'ancien acteur vedette de Gossip Girl revienne pour le rôle, mais son représentant a averti le réseau que Stan, qui reprendra son rôle de Bucky dans la prochaine suite de Captain America au cinéma, n'était pas disponible pour une série télé en ce moment. Le personnage de Chapelier Fou, qui reviendra plus tard dans la saison de Once Upon a Time, ayant une transition, avant une transition vers sa propre série, sera réauditionné. Donc, Once Upon a Time, qui reprend des contes de fées en version série télé. Intéressant comme concept, et ça a l'air de bien fonctionner. Toujours aux États-Unis, dans du talent à revendre, America's Got Talent, une Spice Girl va remplacer Sharon Osbourne. On passe très vite là-dessus parce que c'est des nouvelles assez grand public, là, mais NBC a confirmé que la Spice Girl Mel B va remplacer la juge démissionnaire Sharon Osbourne dans la compétition de talent cette saison-ci. Mel B va siéger avec le panel de juges lors du début des enregistrements de la 8e saison le 4 mars à la Nouvelle-Orléans. Sharon Osbourne qui a officiellement annoncé son départ en septembre dernier après plusieurs semaines de rumeurs. Blablabla, America's Got Talent n'est pas la première émission en tant que juge pour Mel B. Elle était aussi dans la version australienne de The X Factor. Et est apparue comme animatrice invitée dans la version du Royaume-Uni. Voilà, Howie Mandel et Howard Stern ont déjà signé pour la prochaine saison. Est-ce que tu suis ça, Bob? Ben non, pas tant. La dernière fois que je les ai vus, c'est aux Olympiques, quand ils ont fait un retour. Tu parles des Spice Girls, man. Oui. Je parlais plus de America's Got Talent, mais t'as un bon point. Ah, voilà. Ouais. Ouais. Ben, je trouve que c'est la moins pire des téléréalités, on dirait. Ben, j'écoute un peu ça. C'est l'affaire des X. Ouais, c'est ça. C'est moins quétaine que des affaires de chant et de danse. Ouais, ben au moins, il y a du talent de tout. Tu sais, tu peux faire de tout. Puis tu peux le revendre et faire du cash. Ben oui, t'as la revendre. Lifetime commande une mini-série sur Cléopâtre. Lifetime, qui appartient à A&E Networks, travaille sur une mini-série en quatre parties sur Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Lifetime, qui a récemment diffusé Liz and Dick avec Lindsay Lohan, un film biographique sur Elizabeth Taylor, qui a interprété la reine égyptienne. Justement, elle a déjà interprété la reine égyptienne dans un vieux film, Cléopâtre. Maintenant, la chaîne, c'est un lien. La chaîne télé développe une mini-série sur Cléopâtre elle-même, selon Deadline. Cléopâtre sera écrite par Robert Port, qui a travaillé sur Numbers avec un 3 dedans, c'est une émission de mathématiques. Ouais, ouais. Et Dragnet est produit par Michael Goldstein et Mike Larkin. Parmi les autres nouvelles sur la chaîne Lifetime, elle n'ira pas de l'avant avec Cinnamon Girl, le projet de série dramatique de Renée Zellweger. Dommage. Donc, allez voir les extraits du film Cléopâtre avec Elizabeth Taylor sur assemblagerequipe.com ou encore Allez-y pas. Mais c'est comme vous voulez. Hein. Culture générale. Vous avez le choix. C'est un, c'est on un choix. Le choix. C'est comme Internet au grand complet. Vous avez le choix. Oui, c'est ça. Jane Lynch a été nommée l'animatrice de Hollywood Game Night, un nouveau genre de jeu télévisé sur NBC et avec la collaboration de Sean Hayes de Will & Grace. Donc, la vedette de Glee Il va être l'animatrice d'une émission avec des vedettes. Ça va être un genre de cocktail party qui va rappeler les soirées que Sean Hayes faisait lui-même à la maison. Donc, il va y avoir des prix en argent. Il va y avoir divertissement, sport, des gens du domaine de la politique. Ils vont se battre dans un concours de pop culture. Le jeu va continuer. Il va y avoir de l'alcool, des hors d'œuvre, il va y avoir la musique qui va jouer et tout ça. Donc, ça va être un genre de grand variété slash quiz. Hollywood Game Night animé par Jane Lynch. Format qui devrait plaire, nous dit-on. Et il va y avoir 8 épisodes. C'est confirmé. NBC a confirmé ces 8 épisodes-là. Je sais pas s'ils vont les diffuser, les 8, mais c'est NBC, ça. C'est la plug rapidement. On sait pas. Mais avec Jane Lynch, ça pourrait être un grand succès. C'est la professeure d'éducation physique dans le film. C'est la première fois qu'elle fait un genre de truc comme ça. Oui, j'ai jamais vu animer un jeu télé. Elle a du talent dans tout. Dans tout ce que j'ai vu d'elle à Saturday Night Live, elle faisait des sketchs, elle était super drôle. Donc, j'ai un bon espoir pour ça. Une femme de grand talent. Exactement. James Van Der Beek, l'ancien Dawson, qui a perdu sa série Don't Trust the Bitch in Apartment 23, a un nouveau rôle sur CBS dans Friends with Better Lives. Donc, James Van Der Beek, qui s'est inscrit à cette émission-là, un pilote pour CBS, qui parle d'un groupe d'amis qui pense que la situation de l'autre est toujours meilleure que la leur. Donc, genre, tu sais, le gazon est toujours plus vert, là. C'est par Dana Klein qui travaille pour Friends. C'est elle qui a créé cette nouvelle émission-là. M'en fiche, je dis Dana. D'habitude, c'est une fille. Ça peut être un gars. Il y a bien des gars qui s'appellent Dana. J'ai pas fait mes recherches là-dessus. Désolé. Van Der Beek va jouer un gynécologue dont la vie change après un divorce, quand sa femme le trompe. C'est le deuxième membre de l'émission Apartment 23 à retrouver une nouvelle émission. C'est une série qui plaisait beaucoup aux fans, mais qui n'a pas duré longtemps. Donc, Kristen Ritter est une autre des vedettes qui a décroché un rôle dans la comédie d'NBC, Assistance. Van Der Beek a récemment participé à How I Met Your Mother, entre autres. Voilà. Toujours aux États-Unis, toujours dans le domaine du casting, Mira Sorvino, vedette du cinéma, va être la vedette d'un autre pilote pour CBS. Un pilote avec Jim Gaffigan, un humoriste quand même assez connu pour la saison 2013-2014. C'est un pilote qui n'a pas encore de nom. Ça va être en vedette Jim Gaffigan dans le rôle d'un père marié de 5 enfants. Il n'est pas marié avec ses 5 enfants, mais il est marié et il a 5 enfants. Sorvino va être sa femme, Jeannie. Il me semble, je sais pas, passer de vedette d'Hollywood à femme dans une sitcom, je trippe moins, tu sais. Un gros rôle dramatique, quelque chose qui te fait essayer quelque chose de nouveau, peut-être, mais c'est comme la petite doudette. Hein. Ouais, on va voir, peut-être que... Peut-être que, mais tu sais, c'est dans le même moule que toutes les émissions où t'as un gars moyennement beau, là, tu sais, genre, ou tu sais, même plutôt moyen, là, qui sort avec une femme qui ressemble à une vedette d'Hollywood et littéralement qui est jouée par une vedette d'Hollywood, je sais pas. Ça fait très Jim Belushi, ce genre de choses. Ou Kevin James dans le temps. Toujours en casting, James Gandolfini, qu'on connaît évidemment de la série des Sopranos. Les Sopranos. Un autre pilote, mais il a été refusé par HBO, surprenant. Oh. Lui qui est dans la boîte HBO depuis longtemps, donc son pilote Criminal Justice a été refusé. Ça ne marchera pas selon le Hollywood Reporter. C'est une adaptation d'une série de la BBC en 2008. Et puis bon, bref, j'imagine qu'il va s'en trouver une autre. Il est quand même vedette de cinéma en ce moment. Il était dans Zero Dark Thirty il y a quelques temps, qui était nominé aux Oscars et tout. C'est peut-être à cause de ses anciens rôles. Tu sais, des fois, t'associes quelqu'un, un acteur avec des rôles de gentil. Pis... Raciste! Ouais. C'est un Italien, non! C'est à cause de ça. Est-ce que HBO a fait « J'ai une offre que je peux refuser. » Bon. Maintenant, côté code d'écoute ici, NBC est dans les toilettes. Non. Je pense qu'on sait depuis un bout de temps, mais ici, c'est confirmé pendant les derniers sweeps du mois de novembre. Pardon. Non, après avoir gagné ses premiers sweeps de novembre pour la première fois en 9 ans. À cause du football du dimanche soir, The Voice et Revolution. NBC est en 5e place maintenant pour le mois de février. Ça, les choses peuvent changer vite. Hein? Dans la démographique 18-49 ans, donc les adultes, selon Deadline, NBC est en 5e place. Pour la période de sweeps qui va du 31 janvier au 19 février, NBC a une cote moyenne de 1,2 chez les adultes 18-49 ans, ce qui est en dessous de Univision, qui est un réseau espagnol, hispanophone aux États-Unis. C'est quelque chose. C'est la première fois qu'un réseau espagnol bat NBC et c'est la première fois qu'ils arrivent, eux, en 4e place dans une période de sweeps. CBS est le gagnant des 18-49 ans avec 4,9. Détail. NBC va vraiment mal à cause de ses nouvelles émissions, entre autres. On avait parlé de Do No Harm qui a été retiré après 2 épisodes. 1600 Pen, une comédie, une sitcom qui est en onde encore en ce moment. J'ai vu la publicité hier soir, mais je pense que ça va sûrement être sa dernière ou son avant-dernière. Ça publicité. Ne marche pas. Dernière publicité, dernière émission. Si l'émission est diffusée jeudi, des fois, ils vont faire des doubles doses de The Office parce que les codes d'écoute sont meilleurs. NBC devrait revenir un petit peu dans les codes d'écoute vu que The Voice va revenir. Et Revolution, gros succès pour NBC. Je connais pas. C'est une émission genre fin du monde. Ça se passe après que l'électricité s'éteigne complètement partout. Ah, je pense que j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air vraiment très, très bon. On va suivre ça. Oscar! On parle de télévision, / cinéma dans cette nouvelle-là. Même si les téléspectateurs ont vu Seth Wahlberg juste à côté de Ted, la vedette du film, dans les Oscars hier. Alexandra nous en parlait avant-hier. C'est ça, Alexandra nous en parlait hier. Bref, au 85e Academy Awards. La création de Seth MacFarlane a été animée par Tippett Studios. C'est le même studio qui a fait le film. Et donc, l'équipe derrière a enregistré. Ils ont fait un genre de copie du plateau des Academy Awards au CBS Studios et ensuite filmé 10 versions différentes du sketch. Et vu que les gagnants n'étaient pas annoncés avant le soir des Oscars, c'était donc à Blair Clark de chez Tippett Studios de faire jouer les bons extraits. Exactement. Ah, c'est bon ça. C'est malade. Moi, je pensais que c'était la voix de Seth MacFarlane qui était oui. Backstage. Mais non. Donc voilà. Beau travail. Ça n'a pas paru. Il y en a qui se demandaient si c'était un humain dans une marionnette. Un humain. Une petite personne qu'on dit. Ouais. Il reste quelques petites nouvelles, on va se dépêcher là-dessus. Les Razzie Awards ont eu lieu. Le dernier Twilight a eu le triste honneur de remporter 7 Razzie Awards. C'est le contraire des Academy Awards à Los Angeles. Alors, la 33e cérémonie des Golden Raspberry Awards. Elle est préattribuée, évidemment, au pire navet du cinéma américain. Twilight chapitre 5, révélation deuxième partie, remporte la palme du pire film, pire réalisateur, pire performance pour Kristen Stewart, pire performance d'acteur pour Taylor Lautner, pire couple à l'écran, pire casting pour l'ensemble de l'équipe et ensuite, pire suite ou arnaque. Ils ont vergé dessus. Ils sont pas retenus, même. Bon, c'est correct. Twilight n'a pas réussi la performance de Jack et Julie l'an passé. Le film avait reçu l'ensemble des 10 Razzie Awards. D'ailleurs, Adam Sandler, qui avait déjà remporté le Razzie du pire acteur en 2012, réitère l'exploit en 2013 pour Crazy Dad, qui reçoit par ailleurs la palme du pire scénario. Allez voir le reste des prix sur assemblagerequis.com. Côté talk show américain pour la semaine du 25 février. On va sauter évidemment par-dessus lundi, parce que ça avait lieu hier, même si Alec Baldwin était là, Russell Crowe, Matthew Fox et un paquet d'autres. Donc ce soir, mardi, qu'est-ce qu'on voit? Je vais commencer talk show par talk show. David Letterman, Tina Fey est mercredi à l'émission. Charlie Sheen est là jeudi. Jerry Seinfeld est là vendredi, mais c'est une rediffusion du mois de février. Chez Gyllenhaal, on retrouve Colin Farrell ce soir, David Duchovny demain, Steve Carell jeudi et Bill O'Reilly vendredi. À Jimmy Kimmel Live, on retrouve entre autres Jim Parsons de The Big Bang Theory jeudi soir. Et à Craig Ferguson, on retrouve Sharon Osbourne, dont on parlait tantôt ce soir. David Duchovny est là jeudi. À Jimmy Fallon, Donald Trump ce soir, Christian Slater demain, Tina Fey jeudi. Les gens se partagent les vedettes de quand talk même, show. Hein? Talk show ça pas à chaque jour, ils descendent d'une coche. C'est ça, c'est par ordre de priorité, je pense. Oui. À Saturday Night Live samedi, on le passe d'habitude parce que j'oublie d'en parler, il n'est pas dans la liste sur assemblagerequis.com des invités des talk shows. Mais ce samedi, 2 mars, Kevin Hart, humoriste, avec invité musical, les numéros 1 du palmarès Billboard, Macklemore et Ryan Smith. Ryan Lewis, pardon, vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Non, ah, ben, peut-être. C'est à cause du pays. La chanson derrière. voilà pour la chronique Television. Et comme on le fait une fois de temps en temps, on se quitte avec une chanson avant de continuer. Voici la chanson thème de How I Met Your Mother. Juste parce que ça me tente de l'entendre. C'est The Solids. Voici Hey Beautiful. Assemblage requis. Can't retour, on parle de plein air. Je mets juste l'orteil dehors. Oh. Mais pas plus. Mais tu vas trouver qu'il fait froid encore. Ouais. Parle-moi pas de ça. Hey, attends, petite anecdote. Vas-y, garde-toi. Je t'appelais dans le train parce que hier, je rentre à la maison après l'émission du matin. Puis Assemblage requis. Assemblage requis jusqu'à 9h, tous les lundi au jeudi. Et vous aimez ça. Ah oui. Et puis, le concierge des blocs où j'habite était en train, genre, tu sais, de racler vraiment, vraiment beaucoup la neige pour. Parce qu'il y a neigé, tu sais, en fin de semaine. Oui. Ah, comme la neige a neigé. Eh oui, méchante bordée. Puis là. Tu sais, j'essayais d'être full positif, là, vraiment, et dire, il en reste plus gros, faut pas, tu sais, lâche pas, t'sais. Ça a l'air comme super, genre, il en reste pas gros, là, hein, bonne chance! Non, mais tu sais, j'essayais d'être super gentil avec lui, parce qu'il avait l'air tellement tanné, là, de pelleter. Tu sais, il y en a à peu près 6 à pelleter, parce qu'il y a tous ceux sur Sylvain Louis-Pinard, en tout cas, bref. Et puis là, il fait, tu sais, puis avec sa voix comme, j'ai envie de t'arracher la tête, là, il fait, tu sais, c'est les, comme, pires bordées de neige qu'il y a au mois de mars. Puis là, ça a fait un gros fret. Puis j'ai fait... Oh, on est en février. Non, mais c'est ça. Mais comme les pires sont à venir. Ah, okay, okay. J'essayais d'être vraiment rassurant, tu sais. Puis là, j'avais juste envie de se faire un colleux. Ah, mais si tu as dit, genre, je t'encourage, go, go, go? Non, il m'a dit, si tu veux m'encourager, prends une pelle, puis aide-moi. Oh. Non, c'est pas vrai. Non, il est super gentil. Mais en tout cas, bref, c'est une petite anecdote comme ça. On le salue. Oui, on le salue. Cierge. Tu l'as dit? Cierge, oui. Concierge. Concierge. Cierge, non. OK. Hey, on revient après la pause avec les collègues plein air. Ouais, faisons ça. Écoutez. Vous êtes assez chaud pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. Toujours assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Plan inclus. Ouais, c'est ça, je varie les slogans. Hein? C'est de là qu'il vient le nom de l'émission. Oui, ben en fait non. Les slogans viennent du nom de l'émission, plus que l'autre chose, mais bon. Celui que vous entendez là et que vous ne reconnaissez peut-être pas, si vous étiez avec nous tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Si vous étiez avec nous tout à l'heure, il n'était pas là. C'est ça que ça voulait dire. Ouais. Ça veut dire qu'il vient d'arriver. C'est ça. Ça veut dire qu'il vient d'arriver. Il dévale la pente à l'instant, je le vois. C'est Charles-Antoine Rioux et la chronique plein air UQT. Ben, bonjour messieurs, bon matin. Attends, dévale la pente de ski pour nous. Attends. Ah, tu l'entends pas. Un peu. Oh. Les skis s'en viennent, je vais te mimer. Bon matin pour vrai, Jean-Antoine. Bon matin. Ça va? Ski qui se sont très bien passés. En fait, on a eu notre activité ski la semaine dernière avec UQTR justement. Et c'était pas une première, mais quasi pour moi. Ça a quand même bien été. Ouais. Je m'en suis bien sorti. Cool, c'était du ski de fond? Ski de montagne, en fait, à la vallée du parc. OK. Tout à fait. Je connais tellement rien en ski, moi. Et moi non plus, au fait. Les gens pensent qu'on fait du plein air et qu'on pratique un peu de tout, mais c'est pas vrai. On n'est pas bon, on est nouveau dans certaines choses aussi. Et voilà. Et voilà. Alors, la chronique ce matin, plein air, en fait, va être dédié à un organisme qu'on appelle le Leave No Trace, ou en français le Sans Trace. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. En fait, c'est un organisme qui se base un peu aux États-Unis, mais qui maintenant, on a un Sans Trace Canada, un Sans Trace un peu partout. Hein. C'est un organisme qui est un peu dédié sa mission à conscientiser les gens que le plein air peut avoir un impact néfaste ou nocif sur l'environnement. Alors, eux sont arrivés avec une espèce d'école de pensée, une espèce de paradigme qui fait que si tous les pleinairistes adoptaient cette école de pensée-là ou ces méthodes-là, ben, auraient un impact moindre sur l'environnement puis tout le monde pourra profiter plus longtemps et plus souvent. Essayer de laisser le moins de traces dans l'environnement, le carbon footprint, entre autres. Exactement, tout à fait. Carbon footprint, entre autres, tout à fait. Puis sans trace, c'est comme anthrax, comme une blague de 2001 dans le temps qu'il y avait de l'anthrax partout. Ou pas. On fait des liens ce qu'on veut. On peut le voir comme qu'on veut. Alors, dans le fond, je n'irai pas avec toute la présentation de tout l'organisme ce matin, mais au moins les 7 grands principes directeurs de l'organisme. Alors, le numéro 1, c'est évidemment préparez-vous et prévoyez. Toujours préparer, justement, essayer d'anticiper un peu qu'est-ce qui va se faire, où est-ce qu'on va aller, combien est-ce qu'on va être, c'est minimiser, mettons, comme le carbon footprint, par exemple, avec moins de voitures possibles, ben oui. Ou en transport en commun. Prévoyez aussi les normes et les règlements des différents endroits où vous allez. Si c'est écrit, vous n'avez pas le droit de faire des feux, mais prévoyez un petit poêle au lieu de brûler du bois pour de vrai. Toujours être planifié un peu d'avance et puis réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Okay. C'est toujours une bonne idée. Numéro 2 se trouve à être utiliser des surfaces durables. Alors, il y a différents écosystèmes dans la nature qui sont, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Alors, utiliser une surface durable, ça va être de choisir où est-ce qu'on va passer ou choisir où est-ce qu'on va camper surtout. Par exemple, si on a choix entre un beau petit terrain plat, un peu de roche, une belle terre dure ou un petit terrain humide avec des fougères, peut-être prendre le plus dur pour laisser le moins de traces possible. Aussi, il y en a qui se régénèrent plus facilement que d'autres. OK. Toujours penser à ça. Numéro 3, c'est gérer adéquatement nos déchets. Évidemment, en nature, on c'est le fun. Se brûler des pneus, évidemment. Évidemment, ah oui. Évidemment. Écoute, la fumée est tellement bon, puis c'est tellement agréable. Non, mais sans farce, si vous amenez des choses avec vous en plein air, c'est fun de les ramener. Contrairement à ce qu'on pense, si on plante une bâche de cigarette, il n'y aura pas un arbre à cigarette qui va pousser. Si on plante un papier de bord-tente, il n'y aura pas un arbre de valenture qui va pousser. Ça ne marche pas comme ça. Les bouteilles d'eau, entre autres. Amenez pas nécessairement votre package de 24 bouteilles d'eau de plastique. C'est ça, Kirkland. Ou aller encore plus loin, achetez-vous une bouteille réutilisable. Ben oui, on peut toujours aller comme ça, gérer vos déchets. Et ça peut être aussi loin que, admettons qu'on va marcher sur un sentier ou sur des crans rocheux, donc un peu plus haut en altitude où il n'y a plus vraiment de terre. Ben là, si on est vraiment en autonomie pour quelques jours, il faut penser juste quand même ramener nos déchets corporels. Donc, traîner le petit sac, parce qu'il n'y a pas de terre. Évidemment, si on a envie d'aller à la selle, pour être en bon français, ouais, ouais. Lorsqu'on est en camping, en plus en forêt, on peut creuser un trou, puis avec les bonnes dimensions, puis au bon endroit, ça va se décomposer naturellement. Okay. Sur les crans rocheux, par contre, ça se fait pas. Tout ce qui arrive, c'est qu'il pleut, et puis ça s'étend. Ben oui. Donc, des fois... Le gars d'après, il n'est pas content. C'est ça. Non. C'est comme les chiens au printemps. Oui, c'est ça. Tout de boîte, en haut de la montagne, c'est peut-être pas trop de boîte. Oh. Alors, on disait, préparez-vous, prévoyez, ben pensez-y. Traînez des petits sacs en plastique, puis préparez-vous mentalement à avoir ramené vos déchets corporels. Mm-hmm. Ramenez de la litière, ça va faire des petites boulettes. Ça va faire des motons, on va gonfler. Ça marche-tu, ça, sur les humains? Ça a été testé? Tu sais, la TVA testée sur des humains? Ben, j'apporte ma litière demain. OK, bon. Agglomérante. Ouais. Bon, tiens-nous au courant. Prochaine expédition, je vais m'en griller. C'est un beau lapsus quand t'as dit courant aussi. Parenthèse. Numéro 4, c'est laisser intact ce que vous trouvez. Alors, évidemment, si vous trouvez une fleur très, très belle ou un fruit très, très joli à voir... Prenez-le en photo avec votre iPhone. Exactement. Ne le ramassez pas pour le ramener. Ben, pour vrai. La fleur, elle va faner. Mm-hmm. Puis le fruit, ben, il va finir par pas être bon non plus. Oui. C'est toujours intéressant de laisser, justement. C'est le fun quand on passe une place, puis on a l'impression d'être le premier qui passe. Oui. On voit pas toutes les traces que tous les gens ont laissées autour de nous. Pareil pour le bois. Souvent, les gens vont se dire que du bois, ça brûle. Eh bien, c'est pas vrai. Ça prend pour faire un feu de camp, ça prend du bois qui est sec. Et idéalement, il faut choisir son type de bois aussi. Souvent, les gens qui connaissent un peu moins vont dire « Ah, je vais couper sur autour de mon camp, ça va brûler. » C'est faux. Vous allez vous fendre derrière en quatre pour fendre votre bois. Et puis là, arrivé au temps du feu, ben, il brûlera même pas. Et des belles branches vertes, là, à l'intérieur. Ah, c'est ça. Tout ce qui se passe, c'est qu'on voit la sève qui sort de la branche au bout du feu. Là. Et malheureusement... Les troncs, on revient à la blague de tantôt, j'arrête dessus. Immature. Je dirais plus vif d'esprit. Oui, ah, merci. Alors, c'est les quatre premiers. Le cinquième, c'est minimiser les impacts du feu. Encore une fois, idéalement, c'est sûr qu'un feu de camp, c'est toujours agréable. Il n'y a personne qui aime pas ça d'être sur le bord d'un feu de camp et manger une guimauve ou une saucisse le soir, ou ne serait-ce que se réchauffer, ou une espèce d'ambiance chaleureuse qui est intéressante aussi. Eh bien, le feu n'a pas toujours des impacts bénéfiques. Ça émet des choses, peut-être, dans l'environnement. Ça émet des choses directement dans l'air en premier, parce qu'on brûle quelque chose, on s'en sauve pas. Mais aussi simple que les déchets, là, c'est sûr qu'un biologiste pourrait vous en parler plus que moi un petit peu, mais les déchets du bois post-combustion, tout ce qui est cendres et autres, vont contenir beaucoup de choses, dont les mêmes éléments, je ne me trompe pas, c'est phosphate et phosphore, mais je ne vais pas trop m'avancer, qui sont en fait les principaux éléments qui vont stimuler les algues bleues. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de cette problématique-là. Oui. Donc, si on en fait un trop proche d'un petit cours d'eau ou à rigueur trop souvent à la même place, quand il pleut, tous les éléments vont être lessivés vers l'eau. Encore là, ça peut encourager ce genre de problème-là. Donc, on s'en rend pas compte des fois, mais t'as tout à fait raison, ça émet des choses autant dans l'air que dans le sol, comme partout. Pis si c'est possible, des fois, c'est peut-être mieux zélique, le petit brûleur qui fait une combustion plus complète du gaz, donc il y a moins d'émissions, qui va faire un peu la même chose. Il y a toujours un peu d'émission, on s'en sauvera pas, mais... Ben, t'as pas le choix, faut vivre aussi. Tout à fait, faut vivre aussi. on peut pas avoir rien. On peut pas avoir zéro impact, mais on peut toujours avoir l'espèce de petite conscience, là, évidemment, la petite volonté. Quand t'as le choix, ouais. C'est facile de faire le choix qui est le meilleur pour l'environnement, il me semble. Tout à fait. Ouais. OK. Le sixième et avant-dernier concept, de principe du Centras, pardon, c'est le respect de la vie sauvage. Donc, encore une fois, ça revient autant à respecter les plantes. Oui, on sait qu'ils ne ressentent pas de douleur, mais c'est quand même intéressant de respecter le principe de la vie. Oui. Sauf que les moustiques, des fois, c'est un peu plus dur à respecter. Mais si on voit un écureuil ou si on voit une marmotte ou un orignal au plus, essaye de pas trop faire de bruit pour le rire en faisant peur, c'est pas super intéressant. Ah, ouais. Bouh. Et des annonces des toilettes, en passant, sur la chasse. Que moi, je sache. Moi, je sache. C'est le retour de la chasse, là, le marketing pour qu'on aille chasser. Non, merci. Ouais. C'est en ce moment, ça va pas très bien, la chasse. C'est quelque chose qui est très affecté par l'économie, parce que c'est beaucoup les voyageurs qui vont avec ça. Une petite parenthèse qu'on fait. Je comprends qu'ils veulent pousser la publicité à ce niveau-là, mais ouais, c'est discutable. Voilà. Donc, mais respect de la vie sauvage, encore une fois. C'est sûr que les gens qui vont chasser un peu de subsistance, qui disent « j'aime mieux chasser ma viande que l'acheter », ça je peux comprendre. Oh oui. Mais en même temps, la chasse, il y a un temps pour le faire, puis ça prend un permis pour le faire. C'est pas parce qu'on est en camping qu'on est nécessairement un endroit dans une roche à l'écureuil ou à la perdrix pour essayer de la ramasser, bien que la perdrix soit très, très bonne. Ouais. J'allais faire la même joke, mais avec l'écureuil. Il n'y a rien comme un bon écureuil sur un bâton de bois, là, sur le bord du feu. Sans farce, pour l'avoir essayé, c'est pas si mal que ça de l'écureuil. Mais J'étais impressionné. Il faut quand même un, avoir son permis, deux, savoir comment faire, puis pour pas faire souffrir l'animal, puis trois, ben c'est ça. La sauce barbecue. Ouais. Je veux dire, essayer d'envoyer la recette à IKEA pour qu'il enlève le val, il y a un val de cheval, puis il y a de l'écureuil dedans. Oh mon Dieu. Alors, donc respect de la vie sauvage. En même temps, si on adopte vraiment ce principe-là, souvent on fait attention de ne pas faire trop de bruit ou autre. Mm-hmm. Puis on se rend compte qu'on croise plus de gros gibiers ou de gros animaux. J'ai la chance de croiser, je mets un petit ours dans la fin de la véranderie, juste parce qu'on était plus silencieux, puis on a pu le voir se promener. Ou un chevreuil, par exemple, qui passe près du campement. C'est toujours agréable à voir. Oui. Et le septième et dernier principe, c'est respecter les autres utilisateurs. Alors, on est seul à marcher dans un sentier, mais des fois, on croise d'autres utilisateurs. Puis, moi, je suis d'accord avec le fait que c'est pas parce qu'on respecte la nature qu'on peut ne pas respecter les autres gens qui viennent pour en profiter mais aussi. Oui. Souvent, on peut se faire des amis. Le plein air, c'est quelque chose qui est encore assez jeune dans son historique. Puis, de croiser d'autres gens qui en font, d'en discuter avec d'autres gens, c'est toujours agréable. Ouais. Sans imposer vos opinions non plus, nécessairement, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas ouverts à ce que tu dis. Puis, par exemple, au Centras, là, puis à un moment donné... C'est plate de se faire dire, ouais, tu fais des traces. C'est ça. Tu fais des traces, elle marche à côté. T'es un mauvais être humain. Ouais. Tu sais, tu continues à marcher avec lui, genre tout le long pour lui dire. C'est ça. Hey, c'est pas ça, là. Hey. Moi, je marche des béquilles, pas laisser de traces. C'est clair. En même temps, je pense qu'il y a une façon d'apporter les choses. Ouais. Puis, il veut pas, il y a certaines pratiques qui sont, comme nous disons, plus logiques que d'autres. Ouais. Puis, c'est clair qu'on se veut pas moralisateur ou chiant à la limite avec les gens qui connaissent pas. Mais il y a moyen de sensibiliser de façon agréable, puis juste éducative. Sympathique. Regarde ce que tu fais là à la radio. C'est éducatif. C'est ce que j'ai fait de faire ce matin. Exactement. Ouais. Jean-Antoine Rioux du Club plein air UQT. Air. C'est du même. On s'habitue. Je pense qu'ils vont comprendre maintenant. Ouais. UQT apostrophe hier, on vous retrouve un petit peu partout sur Facebook. Entre autres, donc www.facebook.com/UQTIR. Justement, on a, et puis notre site internet www.uqtirlalettre.ca/UQTIR. Aussi les lettres. Ça, c'est pour voir notre calendrier ou prendre plus d'informations sur le club en tant que tel. Et puis, justement, si vous allez sur la page Facebook, la prochaine activité se trouve à être demain. C'est une initiation à l'escalade de glace, ici même à Trois-Rivières, chez Mannequin Aventure. Et puis, il reste encore deux places disponibles. Donc, à vous intéresser, vous pouvez vous inscrire via la page Facebook. C'est merveilleux. Et demain étant mercredi si vous écoutez, le 27. Voilà. Merci, Charles-Antoine. Merci à vous, messieurs. Bonne journée. Bonne journée. Deux semaines, c'est la chronique Trucs et astuces UQT. On écoute maintenant une pièce appropriée parce qu'elle s'appelle Prairie Girl, fille des prairies. Prairie étant boisée et tout, j'imagine. Aimer de pas laisser de trace. Oh, non. C'est Rara. I am a darling, I am a dear, oh. Cut your neck if you get too near. When the chips start falling, I'll stay here. Just La pièce Prairie Girl de Ra-Ra, c'est une nouvelle entrée du côté anglophone, mais en fait, ce n'est plus. Je pense que ça a monté un peu. Oui, c'est rendu en 16e place. Ça a monté de une sur l'album de Poets Dead à Assemblage Requis. Jean-Philippe Charbonneau. Ben oui, je me demandais, toi Mathieu, est-ce que tu te souviens de tes rêves? Jamais. Jamais? Jamais. Ça fait des années que je ne me suis pas rappelé d'un rêve. OK. Honnêtement. Ben écoute, moi, justement, ce matin, je me lève et puis j'ai rêvé à nous. À nous? Oui, à nous. Ça me fait peur, là. Non, écoute, rien de bien grave. Je me suis réveillé et puis, tu sais, comment on est placé tous les jours. Bon, face à face. On est face à face, ouais. T'es devant la console, je suis devant un ordinateur. Je fais également le canevas, tu sais, de l'émission. Qui a joué les pièces. C'est ça, pour répertorier qu'est-ce qu'on a joué, puis pouvoir vous les mettre sur Assemblog. Mais oui, Assemblog Requis. Donc, justement, si vous voulez savoir les chansons qui jouent à Assemblage Requis, ben, allez voir sur le blog, ils sont marqués. Et puis, ben, c'est moi qui les tape sur l'ordi. Et puis, j'ai rêvé cette nuit que j'arrivais pas à taper le nom des tunes qui jouaient. Est-ce que c'est parce que tu savais pas écrire ou c'était basé dans la réalité parce que l'ordi va vraiment mal? C'est le plus vieux qu'on a, assez fou de tous les temps. J'avais plus de main. Ah, t'avais plus de main? Non, j'essayais de taper, puis j'étais là, oh non, il faut vraiment que je mette le nom, que je mette mes tunes, c'est important. Et puis là, t'insistais pour que je... Avec un fouet, évidemment. Ben oui, avec un fouet, bat de baseball et tout. Fait que je me suis réveillé en sueur et plein de bleu. Aïe, aïe, pauvre toi. Ben oui, mais finalement, écoutez, ça va bien. Ce matin, t'es capable. Oui, ça va bien. Je pense que ça avait des petits remous dans ouais, le ventre. Ouais, ça a été une dure nuit. Ça a été une dure nuit. Je t'ai fait... ouais, tu m'as tout fait faire. Tu m'as tout fait faire. De toute consistance. Oui, c'est ça. Fait que ça a fait un rah-rah. Drôle. C'est le groupe qui vient de jouer. Donc voilà, on retourne en musique. Merci pour ton anecdote, ouais, Jean-Philippe. Je pourrais même continuer en disant que c'était pas nécessairement solide. Charmant, c'est charmant. C'est l'autre d'avant. La chanson. The Solids? Oui. Ça commence à faire un bout, ben oui, tout à fait. Bon, j'arrête. Est-ce que t'as un jeu de mots à faire avec le lapin blanc de Carré Moilette? Oui, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il y a dans mon chapeau? Rien, pour l'instant. Mais bientôt, il va sortir un lapin blanc. Oh! 6 sur 10. Ouais, t'es généreux. Tout est dans mes cordes, je sais tout faire, même enterré mort. Sous terre, j'ai la clé de ta porte, je suis dans ta chambre. As-tu des rêves à me vendre? Ferme la lumière. Je sais que tes mains me sont ouvertes toutes grandes, qu'on s'envole en flamme, qu'on atterrit ensemble. Hallelujah, save my soul, et je partirai. L'amour, on continue de vivre. dans un conte de fées, dans un livre de cap et d'épée. Alléluia, merci, mais et je partirai. Marie-Marie. Le lapin vient de sortir du show. De C'était le lapin blanc de Carrie Mouellette sur l'album Fox. Que d'animaux là-dedans, Renan. Oui, ouais, il va falloir que j'y redonne. Hein. C'était le lapin blanc de Carrie Mouellette. Ah! Raciste. Donc, dans la deuxième heure d'Assemblage Requis, on aura la chronique écouteur en spectacle 2013. On reçoit Francis Galarneau, auteur, compositeur, interprète. Évidemment, Karine Tardy va être avec nous aussi. Ensuite de ça, Pania Salade, la chronique juridique de Michel Lebrun. Je viens d'avoir le message que Ken-Julie Durocher ne sera pas là, malheureusement, ce matin. Ah, zut. Mais c'est pas grave. On se fait une petite chronique. Faire un petit d'autre chose. Un petit d'autre chose. Ouais. Toujours bon. On se fait un pouce. Un pouce? Ben oui, au lieu de l'index. Ah, OK. Parce que ça a l'air un petit peu trop. Je sais pas. Quand tu m'amènes avec un pouce, ça fait comme. Ouais. Est-ce que j'aborde le sujet? Non. Puis maintenant, tu sais que je rêve à toi la nuit. En plus, ça s'annonce mal. Oh. Pour l'instant, c'est l'info qu'on puisse rester là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 26 février 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est toujours Mathieu Plante. Charbonneau. Je chante pas une chanson avec ton nom. Hein. Check-moi bien arriver avec quelque chose pour toi à un moment donné. Écris-toi une chanson à ton propre sujet. Ouais, puis je vais l'enregistrer. OK. Puis je te le dirai pas. OK. À un moment donné, ça va jouer pendant le blog publicitaire. Non! OK. Puis là, tu vas pouvoir t'inscrire à UQTR en spectacle 2014. Peut-être. Et voilà, parce que là, évidemment, il n'y a plus d'inscription possible parce que UQTR en spectacle a lieu 2013. Jeudi, et Karina Tardier est comme toujours avec nous. Oui, bon matin. Ça va toujours? Ben oui, vous-même. Oui, mieux que Jean-Philippe, sûrement. Oui. Peace. Peace. Je sais pas quoi dire à ça. A piece of my stomach. Oh. In the toilet. Okay. On arrête de parler de ça. Hein? Ouais, parle d'écouteur en spectacle. On parle d'écouteur en spectacle. Oui. C'est sérieux. Et on reçoit un autre participant. Le dernier. En fait, c'est le dernier, exactement. Francis Galarneau, auteur, compositeur, interprète. Bon matin. Bonsoir! Bonsoir! La compagnie, ça va bien? Ah ouais, c'est pas cause que je suis le dernier que je suis le moindre. Ben non, mais c'est ce qu'on aurait dit. On aurait dû le flatter de même dans le sens du poil. Merci. Dernier, mais non le moindre. Donc, peux-tu te présenter ton domaine d'études et ton talent? Oui, bonsoir. Ben là, moi, je suis Francis Galarneau-Girard et puis je suis en loisirs, culture et tourisme à l'Université de Trois-Rivières. Mm-hmm. Puis tu as de la chanson? L'histoire là-dedans, c'est que je vais présenter deux compositions à la QTR spectacle avec en fait c'est deux compositions avec un petit concept, donc c'est original, ça veut dire texte et musique là. Fait que là c'est toujours un peu stressant de montrer de présenter ses propres chansons. Oui. Puis là ça m'amène même à vous dire que là je sors un album qui sort là, le 1er mars. Okay. Alors c'est ça, c'est tout un processus artistique, mais en même temps à la mesure du temps que j'y ai accordé, plus une passion que d'un projet de carrière. Ton album s'appelle « Enquête ». Ouais, c'est une enquête sur moi ou bien c'est moi qui est enquête. Là, ça dépend comment vous voyez ça. J'ai failli allumer le spotlight d'en face où tu as allumé un micro tantôt. Oui, ouais, c'est ça. Ça n'a peut-être plus marché. Est-ce que tu as déjà participé à un concours de ce genre-là ou est-ce que c'est la première fois? Ben j'ai eu la chance de participer à secondaire en spectacle, cégep en spectacle. Là, ben c'était rendu, entre guillemets, université en spectacle. Ouais. Fait que j'en manque pas une. Surtout par plaisir plus que par objectif de carrière. Quoique, on peut toujours... c'est une belle vitrine, du moins. Oui, c'est ça. Là, t'as réussi à produire ton propre CD, donc quand même, ça, les choses doivent bien aller pour toi. C'est-à-dire que c'est toujours un processus qui est assez long. On parle de plusieurs années, puis vraiment beaucoup de sous. Puis c'est un projet plus qu'une passion. Là. Fait que là, je suis dans l'étape de ça, enregistrement, mastering, graphisme. Moi, je suis pas associé à personne, je suis indépendant. OK, OK. Fait que c'est un processus dès le début de la composition jusqu'à la fin qui pourrait représenter 7 ans, mettons. Ouais. C'est pas rien. Puis surtout, j'ai été surpris de voir que les étapes aussi de fine-tuning qui passent graphisme, enregistrement, mastering et puis duplication, ça peut prendre 2 ans. Là, ouais. Surtout que quand c'est des choses qui se passent à temps partiel. Là. C'est ça. Donc, tu veux nous faire entendre une pièce de ton album Enquête tout de suite? Ben, ce que je vous propose, c'est la chanson qui s'appelle Le Mouvement Pas. C'est une espèce de flash que j'ai eu, puis étant donné que il y a un mot anglais finalement dans l'album, là, c'est ce tune-là. Là. Puis, et le mot tune aussi. Ouais, c'est ça. Puis le move, c'est parce que c'était bizarre, parce que quand on dit le mouvement pas, quand on le dit vite, on comprend pas, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est le move, donc le mouvement oui. Ne ment pas. C'est comme Léopoldine, tu dis lentement, ça fait Léopoldine. Si tu dis vite, ça fait Léopoldine. Quand tu dis lentement, ça fait Léopoldine. C'est une blague de télépirate. Ouais. Jadouze. Ah, ouais, bon. Hey, c'est de mon niveau, ça. Ouais, merci. Là, blague à part, finalement, pour dire que, hein, que la le chanson. Ouais, le mouvement pas. Fait que tout ce que ça veut dire, la chanson, dans le fond, c'est que. Le move, il ne ment pas. C'est que quand toi, tu le sens, quand toi, tu fais des moves, mettons, dans ta vie, mais là, ça ment pas sur tes intentions. Mm. Fait que c'est le mouvement, le changement et suivre. Enquête. Vraie enquête, voilà. Enquête. On écoute la pièce Le Mouvement Pas et puis on revient avec Karina juste après. Oui. Karina. Prononcez correctement. Karina. Le mouvement pas. J'ai besoin d'oxygène. Faut pas que je me gêne. Faut pas que ça traîne. J'ai tout ce qu'il faut dans mon arène. Ça vient de l'intérieur à 100 000 à l'heure. Quelque chose me dit que rien n'est fini. C'est que je suis mûr pour une autre aventure. Le mouvement pas pour une évolution. Notion d'ébullition, créative instabilité. Risquer d'oser, intuition, écouter. Le mouvement pas, c'est un renouveau. C'est pour moi un cadeau. Faut pas s'asseoir sur ses lauriers, parce que sinon, ça va rouiller. La liberté me fait m'attacher à ma terre, à ma cité. Pour mieux avancer, je reste actif, rien n'est fictif. Le mouvement pas pour une évolution. Notion d'ébullition, créative instabilité. Risquer d'oser, intuition, écouter. D'ébullition créative instabilité. Risquer d'oser, intuition, écouter. Francis Galarneau, Girard et la pièce, attention, c'était le mouvement pas à Assemblage requis. Et on est toujours avec lui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Karine Attardy est toujours là aussi. Et oui. Et parlons un petit peu. En fait, il nous reste pas grand-chose à dire sur Écouteurs en spectacle parce que tout ce qui reste, c'est l'événement même. Ben oui, on a pas mal tout dit, mais on vous rappelle, l'événement, c'est le 28, donc jeudi, au théâtre de celle-là de Trois-Rivières. Et les billets sont en vente là, aux participants, aux membres du comité organisateur. Et on a un kiosque aussi au deuxième étage. Et à la coop aussi, donc au coût de 7$ jusqu'à jeudi midi environ. Là. Donc si vous nous croisez, gênez-vous pas, jasez-nous, achetez-nous un billet, ça va nous faire plaisir. Sautez-lui dessus. Est-ce qu'on peut acheter des billets à la porte? Je pense que je l'ai jamais demandé. À la porte, oui, c'est 10$. Ah, voilà. Voilà. Merveilleux, c'est noté, c'est jeudi, oui. UQTR en spectacle, oui. 2013, sur Facebook. facebook.com/UQTR en spectacle, Nefetition. Exactement. J'ai wow. Tenu, hein, je ouais. Bonne chance, Francis. Hey, ben merci. On dit ça, on appelle ça plutôt bon succès. Bon succès, bon succès ouais. Dans ouais. tes études mm-hmm. et ta carrière. Et, mm-hmm. bonne dans ta année. Passion, surtout dans ta passion. Oui, c'est vrai. Il ouais. faut suivre ses passions parce que le mouvement. Mathieu. Ouais, Francis Galarneau, auteur, compositeur, interprète et Karine Attardy, une des organisatrices du Quitter en spectacle 2013. Merci. Merci à vous. À demain. Merci, bonsoir. À demain. Oui, à demain. À demain et à jeudi pour Francis. Exactement. Ouais. Demain, on va voir Marie-Laurence Audet, Alexandre Jeté-Léger et Benoît Mercier, les animateurs. Oui. Et jeudi, le porte-parole Vincent C. Ah, ça va être le fun, ça. Ah, c'est super, ça. Oui, magie! Magie, magie. Hey, c'est peut-être là qu'on va faire sortir le vrai lapin blanc. J'aime ça. Dans quelques minutes, panier à salade avec Michel Lebrun. Mais pour l'instant, voici Young Rival et Two Reasons au 89.fm. C'est fou! The Young Rival à Assemblage requis. Il est quelle heure? 8h15? Oui. C'est juste le bon moment pour la dernière fois en retard. Là. On va revenir à notre horaire normal la semaine prochaine. Oh! C'est pas moi. Écoute, je te jure que j'ai bien qu'on est en retard, mais là, comment? C'est pas de raison de partir l'alarme. Est-ce qu'on l'entend bien? La police. Ben, c'est pas grave. On est bien protégé ici. On est bien protégé avec Michel Lebrun. Voici panier à salade. On a n'arrêtera pas la chronique pour autant, là, même s'il y a une alarme de police en arrière. Bon matin, Michel Lebrun. Bon matin, Mathieu. Bon matin, Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Ben oui. On pensait pas provoquer autant de remous avec une chronique judiciaire à assemblage requis, mais que voulez-vous, les alarmes partent. Donc, Michel Lebrun, on parle de quoi aujourd'hui? Si la police débarque pas. Là, sûr. Ah, ils ont compris le message que t'es you mean business, toi. Ouais, ouais. J'ai eu une injonction. Oh, voilà. Mise en demeure. Parfois, c'est des drills, hein. C'est curieux. Ben, ça, on varie les effets sonores à l'émission. Drill, alarme, vomi de Jean-Philippe. Fallait pas dire en nom. C'est correct. C'est pas moi qui l'ai dit. Je me sens moins mal. Alors, d'accord, je me sens peut-être important, mais ça tombe bien pour le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, où je voulais vous parler d'une technique d'enquête de police qu'on appelle Mr. Big. Mr. Big? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette... Moi, c'est soit Barre de chocolat, soit un des gars dans Sex and the City. C'est tout ce que tu vois, en pitonnant justement sur Google, Mr. Big, j'ai trouvé... Il y a un groupe des années 80 qui s'appelle Mr. Big. Okay. Il y a justement un personnage dans Sex and the City. Mais non, il y a aussi une technique... d'enquête qui a été inventée d'ailleurs au Canada, dans l'Ouest canadien, qu'on appelle la technique Mr. Big. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être que je peux peut-être en venir un petit peu dans le passé ou dans d'autres chroniques où j'ai déjà parlé des dangers, des interrogations ou des confessions d'accusés lorsqu'on est accusé de certains crimes. J'ai déjà expliqué qu'il y a quand même un risque. On n'est pas porté à le croire, mais que des gens avouent des crimes qu'ils n'ont pas commis. Juste pour se sauver la vie ou pour avoir une sentence moins élevée. Ben oui, c'est ça. Mais, j'ai déjà fait une chronique là-dessus. Et puis, au cours des années, on est devenu tellement méfiant par rapport aux aveux, particulièrement à cause aussi du comportement, particulièrement des aveux qui sont donnés à la police. Dans le passé, dans d'autres siècles, évidemment, ça, c'est des choses qui se produisent plus aujourd'hui, mais les policiers pouvaient aller jusqu'à battre les accusés pour obtenir des confessions. Évidemment, c'est des choses qu'on voit plus aujourd'hui. Parce que ça se passe plus dans les postes de police. Ils disent plus si ça se passe. Et c'est ça. Et par contre, même tout le climat d'oppression qui peut exister lorsqu'on est confronté à des policiers... Ça a amené le développement de toutes sortes de règles pour qui font qu'on n'admettra généralement pas un aveu d'un accusé s'il a eu des promesses, des menaces, s'il a eu quelque chose pour le motiver de la part de la police à faire sa déclaration. Il peut espérer des choses en faisant une déclaration, mais il faut pas que l'État là, ou les policiers qui interrogent l'accusé... abusent un peu de leur pouvoir sur cette personne-là pour extorquer une déclaration pour des motifs qui seraient différents du simple fait de vouloir se avouer son crime. Donc, s'il y a de la violence utilisée, évidemment, on avait tendance à exclure une déclaration, à ne pas admettre une déclaration comme celle-là. Mais maintenant, tout est filmé en plus, donc il n'y a plus vraiment de façon de... Non, il n'y a plus grand-chose. Même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de déclarations qui sont filmées. Puis ça, c'est peut-être un reproche qu'on peut faire. Tout devrait être filmé. Ben oui, on a déjà parlé de ça aussi. on se dit, dans tous les dépanneurs, dans tous les guichets automatiques, dans toutes les banques où on va, on est toujours filmé, sauf que dans les postes de police, la tendance a été plutôt à l'inverse. Là où il y avait des caméras à une certaine époque, il n'y en a plus. Et puis, vous lisez l'actualité aussi. Des fois, on voit des policiers qui se retrouvent dans des situations parce qu'ils ont été filmés sur un cellulaire. On a vu le policier 728 à Montréal, ou la policière, c'est-à-dire. Oui. Et il y a eu d'autres cas plus près de nous. Hein? Et puis, donc, on a développé toutes sortes de choses. Et il y avait une technique qui a été critiquée un peu avec les années. C'était la critique, la technique... Read, qu'on appelle, qui est une forme de technique qui a été développée par des psychologues et des policiers pour, tout en respectant en apparence toutes les règles au niveau on menace pas la personne, on tente de l'amener à faire sa confession de façon le plus volontaire ou libre possible, mais la technique Read elle vise quand même à prolonger l'interrogatoire et à confronter, à utiliser une méthode de confrontation qui fait en sorte que le but, c'est de briser les défenses psychologiques d'une personne et de l'amener à avouer. Et cette technique-là a été critiquée un peu parce qu'il y a des gens qui sont pas... je sais pas, on n'est pas habitué de se retrouver interrogé dans une cellule par des policiers et puis... on se fait confronter. Puis là, on essaie de se défendre et on dit, on amène l'accusé à croire tranquillement qu'il aura beau se défendre, il est fait. La technique est beaucoup de le confronter, de dire « je te crois pas » et de lui démontrer avec beaucoup d'assurance qu'on a toutes les preuves et peut-être souvent même de lui faire croire que d'autres personnes ont avoué ou qu'on a des preuves lourdement incriminantes et que pour lui, ça serait futile d'essayer de continuer de nier. Puis que la seule chose qu'il peut faire, c'est d'avouer pour améliorer son sort, pour aller essayer d'obtenir une entente ou une sentence moins pire. Donc, cette technique-là, elle a été également critiquée parce que, dans certains cas, il y a des gens qui sont pas très, disons, forts moralement et puis qui peuvent s'effondrer puis avouer des crimes qu'ils n'ont absolument pas commis. Et donc, on en était là un peu au début des années 90, jurisprudence-là, toutes ces règles-là avaient été développées. Et la police, qui fait preuve de beaucoup d'imagination, il faut leur donner ça, ils ont développé une stratégie qui est celle d'obtenir des aveux à des policiers, mais que l'accusé ne sache pas qu'il fait affaire avec des policiers. Dans le fond, la première technique qu'on a essayé d'utiliser, c'est qu'on met l'accusé dans une cellule après qu'il ait refusé de faire des déclarations et on envoie un co-détenu, un faux co-détenu qui se trouve être un policier. Donc, ça a été critiqué par les tribunaux parce qu'on a dit, écoutez, l'accusé est sous le contrôle total de la police, il est détenu, il est menotté, on l'amène au poste, il exerce un droit qu'il a, c'est de garder le silence, et on contourne ce droit-là en envoyant un policier dans sa cellule pour essayer C'est traître. De le cuisiner. Et on a dit, bon, ça c'est peut-être... On abuse de deux pouvoirs, celui de détenir les gens et celui de les interroger. Et puis, ça n'a pas été jugé légal. Et là, on a développé une nouvelle technique qui est la technique du Mr. Big. Et puis, cette technique-là, c'est presque... on pourrait faire des films là-dessus. J'imagine qu'il va s'en faire un jour. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'arrête pas la personne et on commence à l'approcher avec des agents doubles en lui faisant miroiter que les agents doubles se font passer pour des criminels. Des criminels endurcis, des criminels qui ont d'envergure. Donc, les policiers se font passer pour une grosse organisation criminelle. Ils amènent, et là, ils contactent cette personne-là, qui est le sujet de leur enquête. Ils se font amis avec lui. Puis là, ils commencent à lui faire des petits crimes en essayant de lui mettre l'eau à la bouche en disant que le mode de vie de ces grosses organisations criminelles-là devient attirant pour la personne. Il faut comprendre que dans les cas où ça a été utilisé, c'est souvent des gens qui sont un peu, j'essaie d'être poli, mais quand même pas c'est pas toujours les 100 watts de la ville. Il n'y a pas beaucoup de professeurs d'université ici à l'université qui ont été l'objet d'une opération Mr. Big, mais lorsque quelqu'un vit dans une roulotte puis reçoit de l'aide sociale puis white trash. Exactement. Comme on dit, je l'ai dit, c'est tu l'as pas dit, c'est le mot que je cherchais. Je me demandais si je l'avais utilisé. Et puis et c'est vraiment ça qui a été utilisé dans la dernière cause, une cause de Terre-Neuve d'ailleurs. Et qui, on dit rien. qui dans laquelle une cause de Hart où on a ciblé une personne comme ça. Et là, il faut voir, et ça a été utilisé ici au Québec aussi, je vais vous en parler, mais on prend une personne qui n'a jamais eu d'envergure, qui n'a jamais eu de vie, qui n'a jamais eu de travail, qui n'a jamais eu d'argent, et là, il devient tranquillement ami avec l'organisation criminelle fictive qui a été créée par les policiers. L'organisation, c'est toute une organisation qui est mise en place. C'est pas une affaire qui dure une demi-journée, là. Dans le cas de M. Hart, ça dure du mois de février au mois de juin. M. Hart embarque dans on l'amène... Premièrement, on lui demande de transporter des fausses cartes de crédit. Après ça, on lui demande d'aller livrer des armes. Ils vont graduellement, c'est des petites affaires, parce que c'est des grosses affaires. Des petits jobs. Finalement, on lui demande de compter de l'argent. Il fait une transaction où il donne 300 fausses cartes de crédit supposément à un acheteur. Puis l'acheteur lui donne une valise d'argent. Puis lui, il doit compter l'argent. Puis il y a 300 000 piastres dans la valise d'argent. C'est assez convaincant pour quelqu'un qui veut être criminel. Ben oui, c'est ça. Il joue la Ligue majeure. Il se trouve bien brillant. Il se trouve... En tout cas, il a accès à un mode de vie auquel ils ne pouvaient pas même imaginer de s'associer plus jeune. Et puis, c'est quelqu'un qui n'était pas si criminalisé que ça non plus. Ben c'est ça. Est-ce que c'est similaire un peu à de l'entrapment? Il n'aurait pas fait ça s'il n'avait pas été approché par quelqu'un en même temps. Ben, c'est pas la même chose. Tout à fait. Et puis, tu as bien compris le sens de mes chroniques antérieures. J'adore des chroniques. Ben, j'écoute. Ben oui, ben c'est ça. Je suis un fan de ça, moi. Et c'est complètement de l'entrapment. Ben oui. Mais ce qu'on essaye de et on fait commettre à la personne, ces scénarios-là vont jusqu'à 40 ou 50 scénarios. Petits scénarios à l'intérieur de grands scénarios là, sur une période de 6 mois. Et un peu avant le moment final, là, l'organisation donne des sommes d'argent qui peuvent être assez importantes. Dans le cas de M. Hart, je pense qu'on lui a donné à peu près 15 000 $ d'un coup, là, un moment donné, pour un job qu'il avait bien fait et tout ça. Donc, lui, il est complètement... Et dans le jugement de la Cour d'appel qui traite de ce dossier-là, on voit que cette personne-là, il y a eu à peu près 61 scénarios dans son cas à lui. Et après une vingtaine, là, il les appelait ses frères, les personnes qui étaient là. Mm-hmm. Il leur jurait son amour. Tu sais, quand tu dis « white trash », il y a des vidéos même qu'on peut voir sur YouTube. Là, tu vois le personnage. Tu peux être accusé pour ça? Non. En fait, tous les crimes qu'il a commis, évidemment, il ne peut pas être accusé de ça. C'est de l'entrapment, comme tu dis, Mathieu. Il n'a pas vraiment fait des crimes non plus, parce que c'est pas vrai. Il n'a pas vraiment eu la carte de crédit. Il n'a pas vraiment eu d'argent. C'est ça. C'est tout fictif. Donc, puis c'était Hart, il doit avoir un méchant générique à la fin de ça. Scripteur, scriptediteur, réalisateur. Sauf que M. Hart était quelqu'un qui était soupçonné d'un crime très grave. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas une étiquette pas payée. Non, effectivement. Lui, ses deux filles étaient mortes noyées. Et il était avec elle lorsque l'événement s'était produit et il avait donné des versions qui étaient un peu farfelues, un peu bizarres à la police. Mais il faut comprendre que c'est quelqu'un qui est à la limite de la déficience. Là. C'est quelqu'un qui avait juste assez de neurones pour ne pas être qualifié de déficient, mais qui était... La première version qu'il donne, d'ailleurs, c'est que ses filles sont mortes noyées au bout d'un quai. Et sa première version au policier, c'est que lorsqu'il a vu la première tomber à l'eau, il a laissé l'autre sur le bord du quai et il a pris son auto. Il a fait 11 km pour aller chercher sa femme pour essayer d'aider sa fille qui se noyait. Ah! Il aurait passé devant deux hôpitaux, un poste de police. Ben, et puis, après, à sa deuxième déclaration, il a fini par dire qu'il avait fait aussi une crise d'épilepsie, qu'il avait perdu le contrôle de ses enfants à ce moment-là, mais qu'il n'avait pas dit ça lors de sa première déclaration parce qu'il avait peur de perdre son permis de conduire. Mmh. Vous voyez un peu le genre de personnage. Mmh. C'est excessivement frustrant pour les policiers, pour tout le monde autour, parce qu'ils n'ont aucune preuve de ce qui a pu se passer. Et pour eux, c'est là qu'on décide d'utiliser cette technique-là de Mr. Big. Par contre, les policiers, ils l'accusaient pas parce que personne ne savait vraiment ce qui avait pu se passer. Puis on dit, c'est un personnage tellement particulier que même ses déclarations un peu farfelues, ça cache sûrement quelque chose. Est-ce que ça cache qu'il a voulu les tuer? Est-ce qu'il a été négligent? Est-ce qu'il est endormi puis il veut pas avouer certaines choses? Est-ce qu'il s'en rappelle vraiment? Les capacités, je dirais, cognitives de cette personne-là étaient tellement faibles que... on était pris devant à peu près rien. Mais là, on a créé ce Mr. Big-là pendant des mois et des mois, et on a fait de ce ticoune-là un genre de wannabe caïd, là. Et puis, c'est même toute cette histoire-là est aussi pathétique, là, parce que tu vois que il jure son amour aux personnes. Pour les acteurs. À ces acteurs-là qui sont des policiers. Sa femme devient amie avec leur supposée femme. Donc, ça devient même ça une histoire. Sa femme qui le croit, sa femme a toujours pris la défense de son mari là-dedans. Oui. A toujours pensé que c'est un accident. Bon. Et puis, mais là, ce couple-là est complètement... Ils vivent... Il y a un film là, où quelqu'un... avec Jim Carrey, là, où... sa vie, c'est pas sa vraie vie. Le Truman Show. Oui, effectivement, c'est ça. Et puis, c'est un peu surréaliste de penser que le gouvernement embarque dans un scénario de cette ampleur-là. On parle de... Ça coûte entre 100 et 400 000 $ là, de l'argent qui a été investi sur ce scénario-là. Aïe, aïe! On l'a amené en avion à Montréal, puis je pense que c'est là qu'on lui a donné à peu près 15 000 $ Puis là, le summum de l'opération, c'est la rencontre de Mr. Big. Parce que là, il rencontre toujours des membres d'organisation, mais il leur font toujours... on dit, on se présente comme une organisation. Lui devient un genre d'ami de l'organisation. Il rend des petits services. Puis là, maintenant, on lui fait miroiter un avenir. Là, lui aussi, il va avoir accès à ces sommes d'argent-là. Puis il va avoir sa propre entreprise criminelle, puis ça. Et puis là, on va... pour devenir un membre, je veux dire un membre en règle, si vous permettez l'expression, de l'organisation, ben, on lui fait miroiter qu'il faut qu'il rencontre le grand chef. Le boss. Le Mr. Big. Et puis là, on lui dit d'avance qu'avec Mr. Big, il ne faut pas te condamenter parce que sinon, t'es cuit. Là. Tu pourras pas accéder à l'organisation. Donc, on a tout ce build-up-là qui tout conduit. Tout ça pour ça, là, vraiment. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est le boss de fin, là. C'est vraiment... C'est un... Ah ouais! Effectivement. Et puis là, il s'en retrouve face à Montréal que ça se passe d'ailleurs. Là, on l'amène dans les gros hôtels. Puis il vient de Terre-Neuve. Pour lui, Montréal, c'est... La grosse ville. C'est comme quand on va à New York. Puis, et puis là, encore une fois, tout le setup est monté. Puis là, le... Mr. Big, là, il finit par le rencontrer. Puis là, il dit, il faut que tu sois honnête avec moi. Puis tu vas me le dire. Puis il dit, j'ai... Puis... Tout au long de l'opération, il parle du fait qu'on entend dire que t'étais soupçonné de quelque chose, puis tu sais, t'as commis un meurtre, puis lui, il nie tout le temps un peu, puis tout ça. Mais les policiers, là, ils font bien comprendre qu'eux, ils s'en foutent du meurtre, et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient honnêtes avec eux autres, puis tout ça. Puis on dit même, on a des contacts, l'organisation est tellement puissante qu'elle a des contacts dans la police, et on dit, on aurait peut-être des... Il y aurait quelqu'un qui voudrait t'accuser, on pourrait faire disparaître des preuves, mais il faut que tu sois honnête avec nous autres, et compte-nous vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, lorsqu'il arrive ce moment ultime-là, encore une fois, il dit non, non, c'est un accident, puis tout ça. Et là, il y a une confrontation du type un peu de la technique Reed. Là. On dit écoute, là, je comprends que tu me mens, là, fait que tu veux pas faire partie de l'organisation. Laisse faire, je m'en vais. Donc là, et c'est ce que les tribunaux critiquent, c'est que là, la personne est menacée. Il est pas menacé physiquement. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on va abandonner tous ses projets criminels, mais lui, toute sa vie, là, c'est ça. Là, ça tourne autour de ça. Ben, exactement. Et puis. Là, il dit, non, c'est correct, après avoir essayé, dans le fond, sa vérité, parce que je sais pas c'est quoi la vérité. Sa version de la vérité, de dire que c'était un accident, puis tout ça. Là, Mr. Big lui dit qu'il ment, donc, qu'il va perdre tout son statut au niveau de l'organisation. Puis là, il dit, ah ben, OK, je vais te le dire, puis là, c'est ça que j'ai fait, je les ai poussés dans l'eau. Et puis, et là, il se fait arrêter immédiatement, à peu près dans les minutes qui suivent. Puis là, ben, c'est Mr. Big, c'est fini. Puis là, le décor tombe dessus. Et il se retrouve. Puis ce qui est assez ironique dans son cas, pour montrer le genre de ticoune que ça peut être, la première personne qui demande à appeler, c'était un autre membre de la pseudo-organisation. Comment? OK. Comment? C'est sur Blu-ray quand, ce film-là? Mais ça a l'air bon en tabarnouche. C'est dans la vraie vie, ça, là? Oui. Parce que ça a vraiment l'air d'un film. C'est complètement vrai. Wow. Et ça s'est produit ici, au Québec. Il y a une affaire qui était assez morbide aussi, l'affaire d'Alain Perrault. C'est arrivé vers 2002-2003, une dame à Montréal qui chattait sur Internet, puis elle donne un rendez-vous à une autre personne qui s'appelle Perrault. Et elle dit à sa famille, je m'en vais rencontrer mon nouveau chum, qu'elle a seulement connu par Internet, là. Je m'en vais le rencontrer à Québec. Et puis, personne n'a jamais revu cette femme-là. Et la fille de cette femme-là qui disait, ben écoutez, ma mère s'est jamais sauvée, elle n'a jamais rien fait, essaie d'appeler, elle rejoint en fait M. Perrault qui dit, ah, elle est partie chercher des cigarettes, on ne l'a jamais revue. Alors rapidement, ça a fait les manchettes d'ailleurs, rapidement, cette personne-là, M. Perrault, a été ciblée. Hein, la dame est disparue, on a retrouvé sa voiture finalement dans un stationnement. Stationnement que d'ailleurs fréquentait à l'occasion M. Perrault. En tout cas, c'était un peu dans ses, des places où il avait l'habitude d'aller. Il y prenait l'apéro. Ah, ouais, c'est ça. Mais, mais c'était. Ben, c'est, justement, je pense que l'aventure de M. Perrault avec la dame en question n'avait pas dépassé l'apéro. Et puis. Ce qu'on a compris par la suite, en fait, on a monté auprès de M. Perrault une opération Mr. Big. Et en fait, on a seulement retrouvé le véhicule de cette dame-là. On n'a jamais retrouvé de corps. On n'a jamais su ce qui était devenu de cette personne-là. Et là, plusieurs années plus tard, je pense que c'est autour de 2008-2009, donc après 5 ans, M. Perrault, lui, était rendu sur l'aide sociale. Puis il était devenu un genre de vedette à l'époque. Et j'imagine que... si il avait pas commis, s'il a pas commis ce crime-là, ça a détruit sa vie aussi, là, parce que il y a plus personne qui voulait s'associer à lui. Fait que faut comprendre aussi l'état psychologique, en tout cas l'espèce de solitude qui s'est emparée de lui. Et tout à coup, on a monté une opération Mr. Big, un peu à peu près identique à celle dont je vous ai parlé à Terre-Neuve. Est-ce que tu penses que l'opération, il l'appelait l'opération? Opération? Les Québécois? Peut-être. les policiers ont des noms pour leur... Je trouve ne sont pas aussi futés que moi. Non, c'est ça. C'est rien contre la police. Ils sont pas autant d'imagination que moi. Ben, c'est différent. C'est différent comme humour. C'est différent, oui. Il y en a que c'est drôle, eux autres. Ben, en fait, ils choisissent toutes sortes de noms pour les opérations. Ça faisait penser à ça. Ici, on a eu Corona, on a eu... Diligence. Enfin, on pense qu'ils roulent le dictionnaire et ils choisissent les. Sûrement, les juste un mot cute qui a l'air menaçant. Ouais, c'est ouais. Ça. Alors, l'opération s'est poursuivie et encore là, on l'a amené aux frontières américaines pour importer des armes. On lui a fait montrer l'espèce de grosse entreprise criminelle que ça pouvait être. Et là, on était rendu à faire une. Il fallait qu'il devienne membre de l'organisation pour participer à un grand coup. Là. Et ce grand coup-là lui permettrait d'obtenir un condo d'à peu près 400 000 $ gratuitement. Pis tout ça. Et là, c'est là qu'arrive Mr. Big qui doit avouer son crime. Et encore une fois, il nie au début, il se fait confronter. Un peu le même pattern. Et finalement, il a avoué comment il avait commis le crime. Par contre, il a donné quelques détails qui sont... un peu troublant et qui laisse entendre que c'est probablement lui qui a commis ce crime-là. Puis je me disais, en regardant ce cas-là de M. Perrault, qui est maintenant devant la Cour d'appel, donc il va y avoir une décision de la Cour d'appel qui va être rendue dans les prochains mois au Québec sur la légitimité un peu de toute cette opération-là. Tu te dis, je comprends pourquoi les policiers font ça. C'est un peu séduisant aussi comme projet. C'est quasiment sûr que ça va fonctionner. Ils disent que ça a fonctionné. En tout cas, que dans 80% des cas, parce que ça a été commencé dans l'Ouest canadien, et ça a permis soit d'obtenir des aveux ou de disculper vraiment, hors de tout doute, la personne qu'on visait par l'enquête. Mais ils doivent pas faire ça aussi cher et payer autant d'argent pour quelqu'un qui pense que ça va lui faire dire qu'il est pas coupable, finalement. Non, effectivement. Puis j'imagine toute l'éthique derrière ça aussi. On rentre dans la vie de quelqu'un. On s'incruste. On s'incruste dans sa vie, puis là, on lui fait commettre des crimes. C'est quand même assez... pour la personne qui est innocente, tu as un pas de ta vie. Là, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que tu te fais... que tu t'es fait monter à la tête. T'es devenu... T'as adopté un mode de pensée criminel que t'avais pas avant. Et puis là, ne serait-ce que... Tu sais, juste dans la vie de tous les jours, mettons, un ado qui se fait un ami, puis qu'à un moment donné, qui apprend que son ami, il rit de lui, dans le fond, que c'était une farce, puis tout ça. Imagine le drame que ça peut être. Ben, oui. Ben là, je veux pas... Le suicide, peut-être même. Ben, tu sais, je trouve qu'au point de vue psychologique, les séquelles... Moi, en tout cas, si on m'avait fait vivre une opération comme ça, puis que j'étais pas coupable de quelque chose, j'actionnerais le gouvernement, puis je dirais, écoutez, là, vous avez scrappé un peu une partie de ma vie, là, tu sais, puis... puis qu'est-ce que la personne fait quand elle est pas pendant son opération Mr. B? Comment elle se comporte avec son entourage, les amis qu'elle perd? Puis une fois que cette bulle-là est pétée, les conséquences de ça, je trouve ça très, très lourd. Puis les tribunaux ont abordé à date un peu juste l'aspect volontaire de la confession. Ils ont comparé ça à un interrogatoire de police, mettons, dans une cellule. Et ils se sont limités à dire, bon, est-ce que cette opération-là a eu pour l'effet de créer une sorte de cellule autour de la personne, puis une contrainte qui fait que la personne peut se sentir forcée de dire ce que les policiers voulaient entendre, indépendamment que ce soit vrai ou pas. Mais je pense que ça va encore... L'éthique derrière ça va encore plus loin que ça, parce que si ces opérations-là sont pas... je dirais, encadré d'une certaine façon, qu'on n'exige pas que ce soit fait dans certains contextes qui sont très, très précis. Je ne sais pas jusqu'où les policiers peuvent aller, parce que j'ai pensé à toutes sortes d'exemples, mais est-ce qu'on va cibler des personnes qui sont de l'entourage de criminels, par exemple? Est-ce qu'on va... que ce soit un conjoint, une conjointe d'un criminel, le frère, la sœur, des gens qui peuvent avoir de l'information utile ou qui peuvent donner des informations à des policiers, est-ce qu'on va par le biais de ces ruses-là, cibler ces personnes-là. Puis là, ben, je pense que c'est susceptible de dérailler de façon majeure. Puis déjà, au Manitoba, une de ces opérations-là, il y a quelqu'un qui avait été condamné, qui a fini par obtenir un nouveau procès. Et c'était dans les années 90. Et entre le nouveau procès et la condamnation, il y a eu des développements au niveau de l'ADN. Et les cheveux qu'on avait attribués au meurtrier ont été analysés. Et l'ADN a prouvé, hors de tout doute, que cette personne-là qui avait avoué ce crime-là n'était pas la personne qui avait commis le crime. Donc, il y a matière à réflexion. D'ailleurs, la semaine dernière, à Montréal, il y avait une... Il y a eu une nouvelle qui a sorti. Il y a eu plusieurs choses qui sortent au point de vue de technique de police. Et il y a eu... l'article dans la presse s'intitulait « Des têtes roulent au SPVM, le service de police de la ville de Montréal ». Et chez les agents doubles, puis c'est le dernier peut-être danger que je vois à ça, chez les agents doubles, service de police de Montréal, lors d'initiation, ben il y a des gens qui se sont fait initier, qui ont porté plainte pour dire qu'ils avaient été forcés de consommer des quantités d'alcool astronomiques, qu'il y a eu des agressions sexuelles. Tout ça dans un contexte d'initiation où on disait « Es-tu capable d'endurer ça? » Et puis, ça a fini avec des formes d'agression sexuelle, d'attouchement aux parties génitales, des choses comme ça, entre policiers. Et même un service de police à qui on donne tous ces moyens-là, énormes, là, de jouer aux criminels... Des centaines de milliers de dollars. De fréquenter... ils vont dans des bars de danseuses avec les accusés. Ils partent sur un mode de vie criminel. Ça aussi... lorsqu'on veut, c'est un des domaines qui est le moins vérifié parce qu'on utilise des techniques d'enquête secrètes. Ouais. Donc, même en cours, on n'a souvent pas le droit de poser des questions sur ce qui se passe dans le détail, dans ces choses-là. Ben, est-ce que ça crée aussi une catégorie de policiers qui... Il y en a qui doivent virer de bord, qui doivent devenir criminels eux-mêmes. Ben, en tout cas, ça crée une drôle d'attirance vers un drôle de mode de vie. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez vu le film Jour d'entraînement, là, qui est un film pour lequel Denzel Washington avait gagné l'Oscar du meilleur acteur, qui est un film qui est très bon. Évidemment, c'est une histoire fictive, mais qui rassemble ce qui s'est passé à Los Angeles pendant quelques années. Il y a eu plusieurs scandales là, au niveau de ce que justement les agents doubles et toutes les largesses qui se peuvent se permettre. Ça aussi, je trouve que c'est un danger et il va falloir que ce soit encadré, ces techniques d'enquête. Extrêmement intéressant comme chronique, comme toujours. Moi, à chaque fois, je suis surpris. Là. Surpris me ramène à une blague que je voulais faire tantôt. On se comprend. j'espère que Mr. Big s'appelle pas Mr. Big dans chacune des opérations parce que ce serait comme l'appeler Marcel Béliveau. Ouais, effectivement. Il faut que tu rencontres le boss Marcel Béliveau. Mais c'est fou comment ça ressemble à vraiment un scénario de film. Là. C'est ça, pendant qu'on jasait, je regardais des scénarios, des films justement qui me faisaient penser à ça. Là. Je sais pas si vous l'avez vu, là, L.A. Confidential. Non. C'est une même histoire un peu d'escroquerie, de policiers. Qui reprennent la drogue qui est saisie pour la revendre au marché noir pour se refaire d'argent. Puis, un policier? Oui, c'est ça. C'est vraiment les policiers à Los Angeles, là, justement. Là. C'est un vieux film. Là. C'est assez vieux, mais c'est très, très bon. Là. Il y en a un récent avec Nicolas Cage. C'est Bad Lieutenant, qui n'est pas un grand film. Là, puis qui, en fait, c'est une reprise d'un film allemand. Mais c'est un peu, justement, un policier qui tombe... qui essaye... d'infiltrer une forme d'organisation criminelle, mais il consomme de la drogue lui-même en quantité industrielle. En tout cas, c'est un peu tous les problèmes moraux qu'il peut y avoir par rapport à ça aussi. Là. Ça va, bon, on met ça sur la liste. J'ai posté sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission du mardi 26 février le lien vers l'émission d'enquête sur Opération Mr. Big dont tu as fait référence tantôt. Ah, ben oui, effectivement, il y a eu un reportage. Ils l'ont remis à jour récemment à cause de l'affaire de Perrault et de l'affaire de Hart dont je vous parle. L'opération! L'opération. Merci Michel Lebrun, à la semaine prochaine. C'est les mardis à 8h, la chronique panier à salade. On parlait de vérité dans sa chronique. On essaie de faire avouer la vérité aux gens. Pourquoi ne pas aller entendre la foutue vérité? Oh oui. The damn truth. Voici Kinda Awkward. Ah, c'est fou. Puis après ça, c'est les instants classiques, édition palmarès. tabarnouche de vérité et de damn truth. Sur l'album Deer in the Headlights, c'était Kinda Awkward à Assemblage Rocky. L'émission est presque finie déjà. Mais c'est pas fini. Ben non, c'est ben non. C'est presque que. Ben non, hier on a oublié de faire jouer les instants classiques des palmarès. Ben oui. C'est une, un semi-nouveau segment, ça fait pas tant de fois que ça qu'on le fait. C'est pour vous inciter à écouter les palmarès C'est fou les jeudi après-midi à 15h. Donc voici un instant classique édition palmarès. Voici les meilleurs moments des palmarès C'est fou pour les semaines du 14 et du 21 février 2013. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Qui se joue dans les cheveux en commençant l'émission? Ben, j'essaie de replacer ça, là, avec les écouteurs, c'est pas évident. Ben, faut que tu me mettes belle, c'est la spéciale Saint-Valentin, on est en direct le jeudi 14 février. Ben oui, j'ai... C'est pas d'habitude, tu sais, je me force pas du tout. Non. La radio, on voit pas de toute façon. Donc, c'est quoi notre émission spéciale cette semaine? Est-ce qu'on a un thème? Est-ce qu'on fait quelque chose de spécial? Est-ce qu'on. Ben écoute, moi, je vous avais acheté du chocolat. OK. Mais je l'ai tout mangé. Fait que non, il se passe rien. Ben, c'est l'intention qui compte, hein? C'est ça, j'avais l'intention de vous acheter du chocolat. Est-ce que tu offres à la première personne à se présenter au studio de Frenchie? Non. Non? Fait que c'est vraiment, moi, tes retards perpétuels. Oui. Ben, je sais pas. C'est... Oh, okay. Hein, c'est un effet de dire. C'est hein? Correct, je vais scraper mon bac pour vous autres. C'est correct, j'ai compris. Ben, ça serait à peu près temps. Je comprends pas pourquoi. Les études, je trouve, c'est un peu. Surévalué, surestimé. Ouais, ouais, c'est vrai, dans le fond. Priorité, Maxime. Tu sais, quand tu peux juste vendre ton corps sur la rue, des fois. Il est totalement d'accord. À chaque fois, c'est le moment. Oh, on pourrait cool. S'appeler un bar de danseuse. On pourrait faire un bar de danseuse qui s'appelle la pouletterie pour on offre tes corps de cuisse. C'est cool. Tu peux t'essuyer les doigts sur les danseuses. Ah, wesh. Bon, ils ont des jupes faites en napkin. Bon, ça va lâcher les... OK, là. Et la sauce est dans le pantalon. Les concours de wet t-shirts, c'est avec de la sauce brune. Ah, ah. C'est plus très gracieux, là. Non, c'est disgraisseux. Grizzly Bear. Ah, j'aime ça. Le plat favori de Grizzly Leblanc. Et là, le tout en... Oh. Un bon bol de beurre. Je l'ai mis. Oh, wow, j'adorais ça. Et même quand il est plus super. Elle fait gratiner au four, son bain. Outrage! Oui. Outrage! Au tribunal! Oui, outrage au tribunal. Je sais pas si ça se dit en anglais, ça, outrage au tribunal. Outrage at the tribunal! On dirait un groupe de métal. Outrage at the tribunal! Et comme je disais à Mathieu, j'aimerais ça que leur premier single s'appelle Bleeding Blood. Bleeding Blood! À côté de Bloody Vagina. Oh. Non, ça, c'est mon groupe rêvé de métal. Mais ça, ils font un show sur quatre. Ah ouais, c'est là. Est-ce que j'arrête de parler des blagues puis essayer de les raconter jusqu'à temps que ce soit drôle? Oui, on pourrait comme passer à autre chose. D'habitude, quand il faut expliquer la blague, c'est un signe. Ça résume mec. Surtout pendant 15 minutes. Bon. Allez, Je suis tanné. Mais tu sais, écoute, on s'influence l'un l'autre. On se bat pour le fond du baril. Je deviens un petit peu meilleur, puis je deviens un petit peu moins bon. C'était drôle, ça. Après nous, c'est Maxime Tanguay qui va être là avec en deux périodes. Donc, c'est comme s'il était parti, qui était là, qui était parti. Mais il revient. Qui revient, c'est comme un va-et-vient. C'est la Saint-Valentin. C'est pour la Saint-Valentin. Et va-et-vient. Stéphanie Paradis n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Petit problème. Mais elle va revenir la semaine prochaine. Ben, on espère, parce que déjà, je m'ennuie. Ben, tellement, ça va faire une émission un petit peu moins remplie de malaises à trois. Ça va faire des malaises à deux. À deux, oui, oui. Des malaises purement masculins. Oui. Semaine, donc. Testo, toi. Testo. Oui, on s'en vient des textos, on s'en vient des testos. Exact. Un peu, il y a un DJ qui s'appelle. Ah non, c'est Tiesto, excuse-moi. Ah, parle-moi de ça. Bam! Il va falloir que les pièces méritent de jouer en étant ben là, c'est ça, je veux dire. Force-toi. C'est pas parce que t'es écrit sur une feuille de papier que. Bam. Tu joué d'un instrument avec ton basson, là. Pierre. Peter. C'est pas chouette, oui. Non, Pierre. C'est pas chouette, non, effectivement. Non. Il roche un peu, Pierre. Roche. Ouais. Sa carrière va pas très bien. Carrière comme des... Wow, les pierres à feu, toi. Eh oui. Et Stéphanie Paradis n'est pas avec nous, malheureusement, aujourd'hui. Mais on la salue. Oui, allô. Salut. Et elle nous écoute, on sait, elle nous a envoyé des commentaires par, par message texte tantôt. Fait que, oui. C'est quoi qu'elle disait? Elle disait que t'avais une voix suave et enivrante. Oui. Bon. Et ensuite, elle a dit, moi aussi, je m'ennuie, Maxime, parce que tu venais de lui dire que tu t'ennuyais d'elle. Elle est tellement gentille. Elle dit là, après, je sais pas si ça veut dire que c'est une joke. Bon. Elle dit, je vous surveille juste pour être sûr que vous parliez pas trop dans mon dos. Ben jamais. De toute façon, techniquement, on sait pas dans quelle direction qu'elle est face à nous. Fait qu'on on sait pas si on parle dans son dos. Peut-être t'sais. Son côté de... Elle est peut-être face à nous, de loin. Je sais pas. L'appart, c'est bien sur Royal, genre, Centreville. Exactement. Solide. Ça a pas d'allure, hein? Ancienne librairie Poirier. Chaque côté. Dedans? Ou c'est l'ancienne librairie Poirier. Ouais, c'est dedans. Ça. Dedans. Bang, on rentre dans Poirier. Là, non, on parle pas de Claude. Non, ben non. Moi, je suis sûr que Stéphanie, à la maison... Vu qu'elle est dans l'équipe, elle aussi a fait des erreurs. C'est ce qu'elle fait pas en nom des chanceuses. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle paraît parfaite, là, mais. Elle dit, waouh, l'entrevue, lol. Fait que je sais pas si c'est une joke encore une fois. Tu sais, on pense tout que c'est des jokes, hein. Elle abuse du lol. Vraiment, là. Vraiment, là, ça fait un peu adolescente, je vais le dire. Je vais le dire. Pourtant, ouais, elle vient de Capcha en plus. Elle vient pas du Saguenay, fait que les lol. Lol, lol. Lol, lol. Elle m'a répondu, YOLO, lol. YOLO comme. Les jeunes disent YOLO. Ouais, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est encore plus jeune que LOL. C'est très, très jeune. C'est en régression, là, présentement. Là. Elle n'arrête pas de rajeunir. Elle va venir ici, elle va avoir 3 ans. À la fin, elle dit t'es pas obligé de tout dire ce que j'ai écrit. Oups. Méga LOL. Oups. T'as tort. Quoi? Puis on ne parle pas de ce super-héros mythique. T'as tort. Tort. Wow. Thor. Thor. Je la comprends pas. Ouais, c'est oui, ben, je c'est... la comprends. C'est juste parce que vous m'accusez puis que je suis tout ébahi. Ouais, ben juste mes blagues ont souvent l'effet de marteau. Marteau? Ah, ok, non, ben, ouais, marteau. Non. De, ben voyons, mais ben, marteau c'est quand même trop. Pas pire. Je suggère de juste pas finir l'émission. On va juste arrêter. On arrête là. Bon, ok, bye, bye. Bye. C'était les, entre guillemets, meilleurs moments des palmarès. C'est fou. Pour les, en fait, c'est, j'ai dit les semaines tantôt, mais c'était les émissions. J'ai écrit ça par ordre d'émission. C'est les éditions du 14 et du 21 février 2013. Voilà. Ouais, faut être clair dans la vie. Ben oui. Hein? Ça veut dire c'est la semaine du 11 la semaine du 18, je pense. Les deux dernières. Les deux dernières semaines, c'est à peu près ce que ça veut dire. Parce qu'on fait la chronique aux deux semaines ici à Assemblage Requis. Souvent le mardi. Parce bon, qu'on a du temps. Ça se plug bien. Ça se plug bien. Un petit 6 minutes de même, pas trop long. Hein. Bon, ouais. On résume deux semaines en 6 minutes. Puis c'est fauné. C'est phoné. C'est phoné. C'est pas phoné comme dans fake, là, t'sais. Non, non, c'est phoné dans le sens où on l'entend. Phone. Les headphones. Oui, oui. C'est ça que ça veut dire. C'est d'accord. Ça. On vous rappelle qu'à l'émission, les parlants assez fous, il y a une chronique qui s'appelle Un instant classique sans édition normale, juste édition juste normale. Pour le plaisir. Où c'est les meilleurs moments d'assemblage requis. On les diffuse dans les parlants assez fous. Switcheroo, on fait le contrat. Ouais. Et il y a une nouvelle page. Je dois te renseigner parce que j'ai fait ça en fin de semaine là, sur assemblagerequis.com. Dans le petit menu à droite, il y a une icône qui porte le nom de écouter les capsules Un instant classique. Et dans cette page-là, il y a toutes, ou presque pour l'instant, c'est en construction, là, mais les capsules Un instant classique. Oh, c'est le fun, ça! C'était, ça faisait longtemps qu'on me le demandait. Oui. Donc, j'ai compilé ça. Il y a les catégories Instant Classique Édition Palmarès, t'as Instant Classique Normal, t'as aussi, à quelque part là-dedans, les chroniques Un Ferron Classique, mm-hmm. On met en vedette David Ferron. Ben oui. Il y a les éditions spéciales, compilation de l'année. Il y a Un Marchand Classique qu'on a eu la semaine passée quand on a dit au revoir à François-Olivier. Ouais. Tout est là, dans l'ordre, et je mets ça, j'essaie de compléter ça au fur et à la mesure pour essayer d'être complètement complet. Bon, c'est clair, ça? C'est ben oui. Ben, tu fais du beau travail, Mathieu. Merci, t'es fin, t'es fin, t'es fin. Ben oui. Moi, je vais souvent réécouter des petits bouts d'émission. Vrai. Ouais, j'aime ça. Tu réécoutes toi-même ou... Non. Non. J'écoute. C'est gênant, des fois. Hein? Ouais. Des fois, je me rends compte que mes jeux de mots sont plates. Ouais. Ça t'arrive-tu, toi? Tout le temps, chaque jour, en fait. Personne n'est plus sévère envers soi-même que moi-même. Que moi-même. Ouais, moi aussi. Mais, tu sais, c'est bizarre parce que on est gêné de se réécouter, mais on dirait que je m'en rajoute de plus en plus de raisons de m'écouter en faisant édition palmarès d'un instant classique. Ça n'existait pas il y a 3 semaines, puis ou là 2 mois. Et puis, j'en rajoute. Mm-hmm. Je sais pas, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose. J'aime bien ça. Ben oui, c'est ça. Puis l'important, tu sais, c'est de communiquer. Fait que je me parle. Fait que JP, t'étais bon aujourd'hui. Tu tapes dans le dos. Ben oui. Encourageons-nous. Ouais, fait que je vais réécouter juste ce segment-là demain. JP, t'étais bon. Oh. Moi, c'est vrai que je te trouve bon, bon. Ah, oh, bon, bon. C'est clair. Bon, puis on salue Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay qui coanime les palmarès C'est fou. C'est les jeudis à 15h. En rappel, les vendredis à 17h et les lundis à 14h. Donc, vous avez manqué vos chances d'écouter ces émissions-là, mais retrouvez-les sur assemblagerequis.com. Ben oui, mais bon. Demain, Stéphanie va être là. Après demain. Jeudi. On est quel jour? On est mardi. Je pensais qu'on était déjà mercredi. T'étais proche. Ben, j'avais une chance sur ça. Oh! Pas celle-là, je te taperai pas dans le dos pour celle-là. Oh, merde. On va entendre un extrait du palmarès anglophone. C'est une nouvelle entrée. C'est la formation Fiddler, F-I-D-L-A-R, spéciale quand même. La pièce s'appelle No Waves. C'est très, très court, très rapide. On revient pour se dire au revoir juste après. C'est... No Waves par la formation Fiddler, c'est une nouvelle entrée du côté anglophone. Vous la réentendrez jeudi au palmarès, mais on a assez plugué cette émission-là, ça va faire. Hein? Moi, je l'ai kiffé. J'ai kiffé la vibe. La wave. La wave. Kiff wave. Malheureusement, c'est raté. Et oui. Hey, on se quitte avec du Olinéa, Jean-Philippe. Pourquoi pas? Est-ce que tu savais qu'ils étaient aux soirées cachées jeudi passé? Ah, dis-moi en plus. On n'a même pas parlé en plus à l'émission, on est pas, ça. On aurait dû faire un petit retour là-dessus. C'est vrai, on n'a pas redit. Bah, tu veux que je te dise un petit mot? Vas-y d'en voir. C'était bien. T'as-tu aimé ça, toi, Mathieu? Moi, j'ai adoré. Sérieusement, je suis tombé en amour avec Olinéa. Je trouve ça vraiment bon. J'ai acheté le t-shirt. Ben oui, moi aussi. Hey, on devrait tous le mettre demain. Oui! Ah, ça va être cute. Je vais oublier ça. Ouais, moi aussi, je l'oublie. Mais je te texterai. Parfait, good. Écoute, un bon show. Pas mal de personnes. On essayait la bière pour la première fois, vente de bière. J'en ai bu deux. Ah, ben c'est bien. Pour payer quand même. Ouais. Ouais. Puis on la vendait pas trop cher, c'était bien. Vraiment le fun. Ouais. Et puis, faut faire ça à chaque fois, c'est cool. Ça rajoute vraiment à la soirée. Ouais, quand même. Mais... Donc voilà, on a fait des petits essais, ça a bien marché, on a eu des bons commentaires. Si vous avez des mauvais commentaires, ben. C'était gratuit. C'était gratuit, plaignez-vous pas. Mais non, mais on est ouvert aux commentaires. Là. Pour l'instant, c'est que positif, on est très content. Et là, on sait qu'il y a une nouvelle soirée en mars, on sait pas c'est où, c'est une soirée cachée, c'est le nom de l'événement. La seule chose que je peux te dire, c'est que ça sera pas la première, tu sais. Pendant la relâche, tu sais. On va peut-être pas la première semaine de mars. Ouais, c'est ça. OK, ça va être plus tard que ça. Ouais. Mais on va vous tenir au courant. De toute façon, on a le temps d'en parler encore en mars. Hein? Puis on est bien plugué, ça. Ben, c'est comme toi l'organisateur. Fait qu'à un moment donné, si on n'était pas plugué, il y aurait un problème. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui, Assemblage requis. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain à l'émission Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Stéphanie Paradis, qui va faire sa chronique Les Petits Bonheurs. Et cette semaine, c'est les joies d'Internet. Donc, c'est pas jeudi. Tu t'es trompé. Tu m'as dit qu'elle était là jeudi. Stéphanie? Oui, j'ai dit elle va être là demain à l'émission de matin. Tu as dit non, ça va être jeudi, mais je pense que tu pensais que je parlais des palmarès. Je pensais que tu parlais des palmarès, en effet. Ah ah! Fait que finalement, on avait les deux raisons. Eh oui! Excuse-moi de t'avoir coupé. Hey, pour une fois que tu m'as pas dit, t'as pas fait ta pub du retour de pause, nanana, du plan de demain, c'est vrai. C'est vrai aujourd'hui. D'habitude, c'est tout en faux, là, je l'ai vraiment pas fait. Donc demain, OK, soyons-y officiellement. Stéphanie Paradis qui va nous parler des joies d'Internet dans son segment Les Petits Bonheurs. David Ferron qui va mettre la langue dans ton oreille pour présenter la musique francophone. Et on s'exposera dans la chronique Osez Kinky Sexy Time. C'est donc demain à Assemblage requis entre 7h et 9h. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Charles-Antoine Rioux, Karina Tardy, Francis Galarneau, Michel Lebrun et Anne-Julie Durocher. On la remercie même si c'était pas là, mais la semaine prochaine peut-être. tu sais, sa chronique est de moins en moins évidente. C'est supposé être la semaine prochaine. 8h30. On l'attend de pied ferme. On l'aime pas. Ben, j'essayais de faire un jeu de mots avec l'index, mais... Ça valait pas la peine que je reparte le thème pour que tu fasses une blague, ça? Non. Non? Non. Mais juste le temps de dire merci, Mathieu. J'ai eu du fun aujourd'hui. Hey, merci. Moi aussi, j'ai eu du fun. Du fun. Avec toi, Jean-Philippe Charbonnet. Merci, Mathieu Plante. Charbonnet. J'en perds mon latin. Tu parles latin comme le pape? Si, carpe diem. J'ai commencé en espagnol. Alta vista. Yahoo. Yahoo Babelfish dans le temps. Google Translate. Ah, moi aussi, j'ai aimé l'émission d'aujourd'hui. C'était vraiment une bonne émission. Oui. Ouais. C'était une... Buename émission. On devrait faire ça, un petit wrap-up, nos commentaires sur l'émission à chaque semaine, pour la fin. À chaque jour. Oui, en latin. En latin. On se quitte avec une pièce d'Olinéa, donc qui était au soirée cachée, c'est fou, la semaine passée, jeudi. On se quitte avec l'extrait « Ta plus belle extorsion ». C'est ça qui est ça. Passe une belle journée. Reste à l'écoute. Le dîner de con va être là à 11h. Quoi d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est fou, on est mardi aujourd'hui. La version écourtée de Rock Classique sera là à 13h. Et puis, Melon Mien et Chaud de Bruxelles, ça me dit quelque chose, ça? C'est... Moi aussi, ben, ça va être à 16h. Aujourd'hui, c'est à 16h. Oh. Elle est bonne à 16h, cette émission-là. Oui. Vous devriez utiliser ça dans l'émission. Ah oui, je l'ai plugué tantôt. Elle est bonne à 16h. Mais ça commence à 16h, pour de vrai. Okay. À 4h p.m. pour les English. For the English. Ah, merci de repartir. Oui, je t'ai vu venir. Combien de temps tu penses qu'on est capable de toffer? Jusqu'à au moins 10, comme à tous les maudits jours de la semaine. Ben oui, c'est ça, je trouvais qu'on finissait trop tôt. C'est un peu de bonheur. Ouais. On va parler. Ben, je vous dis pas de quoi, parce que je me souviens plus de quoi qu'on va parler. Tu sais pas, hein? Avoue-le. Hein? Mr. Big va te. Ouais, oh non! Il va te faire avouer tes crimes. Mais, chose certaine, on va avoir du plaisir. C'est de 4 à 7, idéal pour prendre une petite bière, décompresser pendant la période des examens. Ouais. Écoutez-nous. L'émission qui est bonne à 16h. Oui. Bien, trouver des slogans, c'est un de mes talents. Il y a une chronique ici qu'on fait jamais. Ça fait un maudit bout qu'on l'a pas fait. Qui s'appelle « Ce slogan vous va comme un gant ». Slog-moi. Genre, ce serait pas pire. J'aime oui, ça. Oui. OK, on la note et puis on fait ça dans l'émission un jour qui s'en vient très bientôt. Trouve des slogans. C'est l'idée, c'est que tu prends un commerce ou une boutique, tu leur trouves un slogan bidon. Pis c'est la chronique, ce slogan vous va comme un gant. C'est le fun, hein? Ah, moi j'aime ça. Ok, on prend ça en On devrait faire ça pendant la semaine de relâche. Good idea! Parce que personne va venir pendant la semaine de relâche, c'est clair. Fait qu'on va avoir du temps, hein? Yes, sir! On va avoir du temps, hein? Ah, je sais pas pourquoi je fais ça. Ça a l'air louche, là. Moi je pense que je vais écouter le thème de fin. Ouais, moi aussi. Je vais continuer à rêver à toi. Bonne journée. Ah!